au soleil. Lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi, oh, au soleil. On dit Seigneur, c'est toi qui as donné cette recommandation. Nous croyons et nous prenons. On l'impose la main. Il est guéri. Ça nous donne à comprendre que la Bible est vraie ou ce n'est pas vrai. Ok, maintenant si on fait ceci, ça ne guérit pas. Ne devons-nous pas douter? Alors, il y a des preuves palpables dans le Seigneur. D'accord? Il y a des choses que Dieu donne pour affermir. Il y a des choses qu'il ne donne pas pour nous affermir, pour que la patience naisse en nous. Pour qu'on puisse comprendre qu'il ne s'agit pas de nous, mais de lui. Pour qu'on puisse comprendre sa souveraineté. Alors, il y a autant de choses dans la marche avec le Seigneur, dans la vie de la foi. Mais maintenant, nous qui avons cru, il y a des premiers signes qui ne doivent pas mentir. Ils vont nous donner la force d'avancer avec le Seigneur. Et si ces premiers signes ne sont pas vivants, fais 20 ans dans la foi, tu vas retourner. Tu en as besoin de ça. Fais 30 ans, tu vas retourner. Alors, si quelqu'un dit « j'ai cru », n'est-ce pas? J'ai cru, j'ai été scellé du Saint-Esprit. Il a, entre guillemets, sa conviction. Et que par contre, la vie, les fruits de l'Esprit ne se manifestent pas dans sa vie. Ici, il ne devrait pas se poser normalement la question, mes frères. Il devrait s'interroger. Parce que les fruits de l'Esprit, il y a un fruit que quand l'Esprit vient, ça va être, se manifester. Ça va être visible. Donc, mais si ces fruits ne sont pas visibles, comment tu peux avoir ta conviction que tu as le Saint-Esprit? Comment tu peux avoir ces choses? Alors, forcément, il y a un problème. Donc, on peut avoir l'assurance, entre guillemets, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, comme le cas de ce témoin de Jéhovah que j'ai expliqué là. On peut être sûr qu'on est dans le vrai, pourtant on est bien dans le faux. Il faut maintenant que le vrai se présente, pour que tu te rends compte que j'étais dans le fond. Ce frère, c'est quand il vient au milieu de nous, qu'il reste, il commence à pleurer. Il nous explique que je mourrais comme ça pour rien. Ma mère a tout fait, ses parents se sont levés, toute la famille. Lui, il a dit, je suis dans la vérité avec son assurance que j'irai au ciel. Mais combien des années se sont écoulées pour qu'il puisse commencer à comprendre. Donc maintenant, il y a des choses merveilleuses que le Seigneur fait. Il l'appelle. Il se fait connaître. Et il laisse aussi à l'homme de le chercher. Il l'appelle. Il se fait connaître. Il laisse le soin de l'homme à le chercher. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et si maintenant la foi n'est pas dans cette direction-ci, comment on connaissant, on va faire une flèche en haut. Alors, il plaise toujours au Seigneur d'appeler ses enfants. Lui-même, il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu désirés. Pourquoi beaucoup d'appelés? Pourquoi peu désirés? On a pris le nombre, c'est gens qui croient. D'autres croient vraiment. Mais ils tombent sur des mauvais enseignants. On ne les enseigne pas à entrer dans leur héritage pour qu'ils commencent à se plaire. Ceux-là vont s'égarer. Mais il y a ceux-là qui croient et tombent sur la grâce du Seigneur. Ils acceptent subir les douleurs et marcher. Parce que ce que tu as toujours vu comme vérité, vérité, vérité, un matin on commence à te dire, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas facile que tu quittes. Tu voudrais bien quitter, mais c'est ancré en toi. Quelqu'un qui sait depuis 20, 10 ans qu'il a le Saint-Esprit, un matin tu lui dis qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il va te lapider. Pourtant il n'en a pas. Mais le problème c'est admettre que lui je n'ai pas. Parce qu'il a déjà conçu ces choses en lui, c'est sa conviction. Il faut la grâce du Seigneur pour nettoyer. Et le faire comprendre en vérité, tu n'as pas. Vous voyez ça? Et celui-ci, pour qu'il parvienne à la vérité, il faut qu'il accepte souffrir. Que lui, enseigne-moi donc à connaître comment on fait pour avoir l'authenticité. Quand, dès qu'il dit ça, il a toutes les portes qui lui sont ouvertes. Mais dès lors qu'il dit, laissez ça, j'ai mon Saint-Esprit, il vient de fermer les portes. Bon nombre fermés ainsi. Il refuse la grâce du Seigneur. Or, la grâce était pour eux. Mais maintenant, en avant, ceux qui acceptent souffrir, Au départ, ce sont les douleurs, ce sont des peines. Mais après, il commence à se plaire dans cette connaissance-là. Il commence pas à pas entrer dans son vérité. Il commence à comprendre la vérité. Plus il se plaît dans la vérité devient vivante. Plus ça devient vivant, plus il cherche à intégrer au fond de la vérité. Maintenant, on peut tomber directement dans le livre de Pierre. Dieu Pierre au chapitre 1, qui dit que, quoi, lisons donc Dieu Pierre au chapitre 1. Dieu Pierre au chapitre 1. Je lis à partir du premier verset en descendant. Nous y sommes, n'est-ce pas? Ok. Simon Pierre, serviteur et apôtre du Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mettons un peu d'abord la main ici. Il y a deux choses qu'il a citées. Le premier, il a dit, cette lettre s'adresse à ceux-là qui ont eu les mêmes foi qu'eux. La même foi au même prix que l'espérance en le Seigneur Jésus. Et là-bas, il explique que ceux-là, c'est ceux dont le Seigneur a justifié. N'est-ce pas? Il dit que ceux-là, la paix et la grâce le soient multipliées, mais à une condition, dans la connaissance du Seigneur. Plus on connaît le Seigneur, plus on abonde dans la grâce, plus on abonde dans la paix. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Plus pour que la paix soit stable, il faut que tu connais qui en qui tu as cru. Pour que la grâce soit manifeste, il faut que tu le connaisses. La foi, quoi? La grâce et la paix émanent de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Donc, tu montes, tu descends, tu dis j'ai la paix et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, ta paix, c'est pour un moment. N'est-ce pas? C'est juste quoi? C'est superficiel. Ce n'est pas. Dans le livre de Jean 14, il a dit que votre cœur ne se trouble point. C'est ici que la parole est accomplie. Pour que ton cœur ne se trouble point, il faut que tu aies connu le Seigneur Jésus. Puis tu le connais, puis tu as la paix, puis tu le cherches, puis sa grâce abonde dans notre vie. Et ce sont les deux piliers-là qui donnent la force du chrétien. Tu pries, il t'exauce, tu es fort pour prier. Pendant qu'on a des soucis, les gens se disent, on va faire comment, on va faire comment. Tu connais un coin là où tu vas partir. Tu fais recours à la prière parce que tu sais, ma voix, lui m'entend, il m'exauce. Alors tu parles, mais si il ne te donne pas de signes vivants qu'il est avec toi et qu'il t'exauce. Tu pries 2, 3, 4, 5 fois, ça ne marche pas. Tu vas commencer à dire la foi, les affaires là, c'est. On va philosopher. Et par contre, le cœur qui avait un peu de paix ou la stabilité va être troublé. Et quand ça trouble, ça continue seulement dans l'angoisse, dans la tristesse. Et finalement, on quitte la foi. On commence à dire que non, la foi n'est pas vraie. Mais là, ça ne s'arrête pas à ce niveau. Ah, ça descend parce que c'est ici qu'il a donné vraiment le pilier de la foi. Continuons. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il faut encore les deux là. Ce que Pierre explique là en haut, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc ici, le chrétien a déjà ce qui est nécessaire pour la vie, marcher avec le Seigneur et pour le chercher, la piété. Foncer dans les voies et du moyen, comme j'ai expliqué, que Dieu nous appelle, il se fait connaître à nous et puis il reste tranquille pour que nous-mêmes on le cherche. Pour que nous-mêmes on le cherche. Il dit que nous avons ça ici, écrit dans sa divine puissance par laquelle il nous a appelés. Donc, chacune des choses qu'il a fait, on a pris par exemple le cas de l'exaucement. Pour que tu aies la force de prier, de continuer à prier, il faut qu'il t'ait exaucé 1, 2, 3 fois. Pour que tu sois stable. S'il ne t'exauce pas, comment tu peux être stable? Comment tu peux avoir la force pour le fouiller? Non, il faut qu'il t'appelle. Il fait des choses glorieuses que tu vois. Il dit, cherche-moi. Tu pries des 20 prières, paroles, je vais dire comme ça. Oh Seigneur, aide-moi. Tu le vois t'aider. Tu dis, hé, attention. Mais il m'a donné quelque chose que j'ai demandé. Donc si je demande encore, tu entres encore à prier. Oh Seigneur, viens-moi au secours. Il vient, tu vois. 2, 3, 4 fois, il n'y a plus de problème pour toi. Tu sais, la première de prier, tu sais, mon Dieu en qui je me confie mes os. Tu as d'abord cette assurance qui te donne pardon. Si tu pries une fois, il ne parle plus. 2 fois, ça ne te décourage pas. S'il m'a exaucé hier, s'il m'a entendu hier, avant hier plus, il ne m'entend pas. Donc il a une solution pour moi. Tu peux donc être tranquille. Ton cœur ne peut pas se troubler et ta foi ne fera pas un naufrage. Tu ne seras pas dans la confusion. Pendant qu'on va dire n'importe quoi, au contraire, ton cœur va soupirer à connaître pourquoi il ne t'a pas exaucé. Plus ça soupire, plus tu entres dans sa connaissance. Tu vois, en soupirant, tu tombes dans les écritures. Il a dit, si vous priez, patientez. Tu commences à comprendre, ah, cette prière-ci me demande la patience. Tu commences à vérifier que, mais est-ce que ce que j'ai demandé, lui, tu vois que ça va venir. Tu es tranquille parce qu'il t'a poussé, sa vertu, sa puissance, sa grâce montre qu'il t'entend et puis il te montre les directives. Si je ne fais pas, ça ne veut pas dire que je ne t'entends pas. Tu sais que je t'ai entendu 1, 2, 3 fois, donc reste tranquille. Tu restes tranquille, plus tard, tu vois la chose s'accomplir, oh, tu te réjouis, tu rends grâce. Et voilà comment les pieds de la foi, la base de la foi est fondée. Tu commences à marcher tranquillement. Amen. Amen. Continuons, ça ne s'arrête pas là. Puis il explique la piété au moyen de la connaissance. Vous voyez, toutes ces choses se trouvent toujours dans la connaissance de la personne du Seigneur. Plus tu le connais, plus tu peux comprendre ses voies. Ça veut dire quoi? Quand tu connais sa façon d'exaucer, quand tu pries, si tard, tu sais qu'il est de sa volonté que tu patientes. Tu es tranquille. Plus tu commences à regarder des choses qui conviennent à tes prières. J'ai montré là par exemple des choses à long terme et des choses à court terme. Il y a ce qu'il faut que le Seigneur nous donne. Enfin, si tu es dans le besoin, ne te donne pas. Où est-ce qu'il veut que tu partes? Nous sommes d'accord. Mais des choses à long terme, tu le subis que si cela est de sa volonté. De, tu cherches déjà sa volonté parce que tu connais sa façon. Tu sais déjà que quand je demande ce qui ne le plaît pas, il ne peut pas me donner. Mais quand c'est sa volonté, il le fera. Alors si c'est de sa volonté, tu attends, la chose va venir. Et tout ça, c'est dans sa connaissance. Avançons encore. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine. Fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voici encore quelque chose de merveilleux, comme j'expliquais dans le cadre des chrétiens. Le Seigneur nous montre là que dans le monde il y a la corruption, il y a la convoitise. Maintenant, si le chrétien ne connaît pas discerner la corruption et la convoitise, il va convoiter, il va aller demander au Seigneur. Ça retombe dans le livre de Jacques. Il dit, vous demandez mal. Parce que vous demandez pour satisfaire votre convoitise. Cela ne vous sera pas donné. Vous avez vu ça? Oh, les chrétiens, nous, on fait ça. Tu es chrétien, tu as lu Matthieu chapitre 5, 6 là-bas, tu as vu demander et cela vous serait donné. Tu as lu Matthieu chapitre 21, verset 22 là, tout ce que vous demanderez par la prière vous sera donné. Donc ça veut dire, tu vois ton frère la voiture, tu dis, oh Seigneur donne-moi la voiture, demande 20 ans, il va te donner. Parce que tu ne demandes pas la voiture parce que cela t'est utile, tu demandes la voiture parce que tu veux avoir la voiture, tu veux aussi satisfaire et t'enorgueillir. Ceci n'entrera pas dans sa vie. Et si tu es chrétien, tu tombes seulement sur ce passage, tu commences à dire que tu vas vivre ça, mais en pratique, 20 ans, ça va venir. Ça ne viendra pas. Par contre, tu vas dire Dieu n'est pas vrai. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et ça nous renverse, ça renverse la foi. Ça renverse la foi. Maintenant, si on discerne la corruption, la convoitise, on pousse ça de côté. On le demande selon sa volonté, la chose nous est donnée. Si tu demandes n'importe quoi selon sa volonté, cela nous sera donné. J'ai pris le cas des frères là, j'explique et je vais expliquer mon propre cas. Il me fut deux fois, quatre fois que je me suis levé. J'ai dit à mon Seigneur, aide-moi, il m'a aidé. J'étais à la maison. Ça, c'est au départ de ma foi. Parce que l'enseignement que je recevais, c'était très costaud. Mais ça donnait le goût de connaître Dieu. Alors, j'ai su qu'il a dit, mais si tu t'occupes de mes choses, moi, je m'occupe de ta part. Ce jour, j'avais pris mon jeûne. J'étais à la maison, je lisais les Écritures, je priais, je lisais, je priais. Jusqu'à ce que 16 heures est arrivée. J'ai dit, oh Seigneur, tu sais, j'ai besoin de 5 000. Je ne sais comment faire pour gagner 5 000, mais je t'en supplie. Je vais sortir pour chercher 5 000. Si tu me donnes 5 000, même si c'est dans une heure de temps, je rentre. Mon souhait, c'est 5 000. Ces choses, c'est merveilleux. Amen. Je dis comme ça, quand j'ai fini de faire cette prière, je me lève, je regarde les 16 heures, je calcule quand même. D'habitude, je quitte de 16 heures à 22 heures pour avoir 5 000. En temps normal, je quitte 16 heures, 22 heures, j'ai 5 000. Je regarde la montre, je dis que mais moi aussi, j'ai quel courage pour demander. Est-ce que je peux... Après, j'ai dit, mais il n'a-t-il pas dit... Je ne sais pas, ces paroles te viennent comme ça. Il n'a-t-il pas dit, si tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe de ta part. Ouais. J'étais dans ses affaires. Alors, ils vont s'occuper de ma part. J'ai démarré ma vieille moto. J'ai chauffé. Mes frères me regardaient. J'ai chauffé. J'ai dit, je m'en vais. Je vais aller chasser les jetons. Il dit, à 17 heures, tu vas faire comment? Les élèves sont déjà à la maison. J'ai dit, t'inquiète. S'il est en haut, il est roi. Je peux partir. J'ai pris la moto. Des merveilles, des merveilles. Je suis sorti de la maison comme ça. J'ai attrapé deux clients qui faisaient un parcours de 1000 francs. J'ai dit, dedans, je pars comme ça. À 19h, j'ai senti mes poches peser. Je me suis réjoui. J'ai dit, ah, peut-être là, j'ai atteint 5000. Mais j'ai dit, Seigneur, je rentre ou je ne rentre pas. Oh, Seigneur, tu es roi. Aide-moi à connaître. Je rentre. J'ai compris dans mon cœur, rentre. J'ai tourné la moto. J'ai dit, comme tu as dit, je rentre. Je ne compte pas. Je te fais confiance. J'ai pris la moto. J'ai pris la roue. Avant la maison, j'ai trouvé un monsieur 200. J'ai pris pour laisser à quelques mètres de la maison. Ça a complété les 5000 nets dans mes poches. Je n'ai pas compté. Je vous le dis au nom du Seigneur. Amen. Je viens seulement, je garde ma moto. Je sors tous les jetons. Je vais sur la table. Je pars d'abord me bénir. Je finis, je viens m'asseoir. Je compte. Je vois 5000 francs nets comme j'ai demandé. Il est quelle 22. J'ai réfléchi, j'ai dit que hey, peut-être Dieu l'a à lui. Vous savez ces choses, quand ça t'arrive, ça t'embrouille. J'ai dit, mais ah non, je ne peux pas croire. Mais peut-être c'est vrai qu'il m'a exaucé. J'étais content. Bon, je n'avais pas encore l'assurance de toutes ces choses. Je n'avais pas compris, ça vient comme ça. Sur rentré, j'ai témoigné à mes frères que j'ai regardé, voilà 5000. Mon problème du matin est résolu. Le matin, j'ai résolu mon problème avec les 5000. J'ai pris mes écritures et je suis resté là. J'ai continué jusqu'au soir. J'ai dit, Seigneur, aide-moi encore à trouver 5000. Je veux 5000 aujourd'hui. Aide-moi, je te fais confiance. Je suis sorti de même. J'ai travaillé jusqu'à un moment donné, j'ai tâté mes poules, je me suis arrêté, j'ai sorti mon âge, j'ai condamné. C'était 5000 francs net. J'ai dit que wonderful. Quelle heure? 19h30. J'ai dit que c'est pas croyable. Donc, mais Seigneur, toi, tu es seulement là pour être attentif comme ça, on sait comment. Puis je sais d'habitude qu'on prie, on attend. Mais je prie, tu m'écoutes. Comment ça se passe? Je suis rentré, directement, j'ai démarré ma moto, je n'ai plus porté de clients. Vous, en chantant les louanges, parce qu'à la maison, à mon entrée, j'ai trouvé des personnes, j'ai dit, je vous donne aussi la grâce que le Seigneur, montez, vous partez, vous avez dit, montez, on ne paye pas. Je les ai amenés, les ai laissés, ils ne savaient pas ce qui me donnait cette force-là. Je les ai laissés là. Je suis arrivé à la maison, j'ai appelé mes frères, j'ai dit, mais moi, je ne comprends pas la fraisie. C'est comme si Dieu seulement comme ça, pourquoi tu parles, il t'écoute, où c'est, comment? Je les ai expliqués, ils m'ont dit... Bon, chacun a philosophé entre des frères, chacun baba. J'ai dit que mais je sais une chose, c'est lui qui est dans ces choses. J'ai continué, le lendemain, je suis resté là. J'étais là, j'ai travaillé, on devait aller à la réunion, c'était mercredi. Il me fallait le pain. Quand j'ai quitté la maison, je n'avais rien entre mes mains. J'ai regardé mon carburant. J'ai dit, souverain, tu es au-dessus de tout. Tu sais que je t'aime et je compte sur toi. Ne me laisse pas aller à l'assemblée main vide. J'ai besoin du pain pour la réunion. J'ai aussi besoin de l'argent pour le carburant. Donc voilà tout ce que j'ai, c'est ça. Je compte sur toi. J'ai pris la moto, j'ai mis mon truc, ma Bible dans le sac, il me fallait aller à la réunion. Je roule, je trouve les clients. Avant la réunion, j'avais 1000 francs qui suffisaient pour le pain. J'ai acheté le pain. Je suis allé à la réunion avec eux. on finit la séance, je rentre avec la joie. En haut, je dis, Père, je ne veux pas regarder le carburant. Mais je sais que je t'ai fait confiance. Quand je quitte la rue, je traverse la route, de l'autre côté, je trouve deux personnes qui vont en Ducati. Je les transporte. Avant qu'ils arrivent en Ducati, ils me donnent 600. Ça suffit mon carburant. Je dis, mettez ici. Ils ont mis, j'ai commencé à louer mon Seigneur en rentrant. Je rentre à la, en route, je transporte encore d'autres qui m'ajoutent, jusqu'avant que je n'arrive à la maison, j'avais de quoi manger. Qui fait ces choses? Et maintenant, dans cette étape-ci, tu n'as pas la force nécessaire pour te confier en Dieu. Ça ne suffit pas de dire, je connais en qui j'ai cru. Alors, nous avons besoin de ces preuves palpables quand on vient au Seigneur. Nous en avons besoin. Et pour que cela soit vivant, il faut réellement qu'on ait faim et soif de lui. Qu'on accepte souffrir. Parce que ce n'est pas facile que tu lises la Bible, tu n'as pas 5 francs. Et tu continues à te concentrer là-dedans. Jamais. Tu vas toujours regarder l'œuvre. Mais des 5 000 francs, on peut me tuer ici aujourd'hui. Finalement, tu déposes la Bible. Non. Il faut le faire confiant. Accepter que lui, je souffre, mais je te fais confiance. Et dès qu'il fait signe, ce n'est pas pour que ça devienne une folie pour vous, mais c'est afin de vous rabaisser, d'être humble et de le glorifier dans tout ce qu'il fait. Ce n'est pas la première ni la deuxième. J'ai fait tant des expériences avec le Seigneur. Je peux vous dire, de ces jours, j'ai pris un jeûne de 3 jours à 7. Dieu a tout fait. Le premier jour où je voulais commencer le jeûne, j'ai cherché à travailler pour avoir même 2000 à la maison. Le cet argent, j'ai tourné comme ça, je n'ai pas attrapé 2000. Je suis rentré avec 125. Je suis arrivé à la maison, ma tête disjonctée. Je voulais dire non, je vais travailler demain. Mais après, j'ai dit, j'ai déjà pris mon engagement. Pendant que je nettoyais la maison, bah, j'ai cette habitude. Quand elle veut jeûner, je nettoie tout. Je ne veux pas être comme ça. Après, quelque chose m'énerve. J'ai trouvé 5 ans là, j'avais 100 sous en 15. Voilà tout ce que j'avais capital intérêt. J'ai pris mon jeûne. J'ai jeûné jusqu'au 3e jour, soir. Vers 16h, je réfléchissais déjà que merde, je vais m'en sortir comment. Bon. J'ai continué, je suis allé, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit, bon, maintenant, Seigneur, il me faut manger. Il me faut manger. Je n'ai pas de quoi manger, il me faut manger. Avec 125, je ne peux rien faire. Et 175, je ne peux rien faire. Mais une idée m'est venue à cœur. Faire la soupe. Le Ndjangolo, vous connaissez ces trucs, les trucs qu'on coupe là. Oui, c'était de... j'avais fait un jardin là. C'est... Je suis allé, j'ai coupé. Je suis allé chercher les crevettes. Je suis venu bouillir dans mon esprit. Je savais que je devais faire ça pour avoir au moins les forces, me tenir debout pour chercher maintenant ce que je peux faire. Oh, vous parlez. Je travaillais là-dessus. Je réfléchissais qui va me donner quelque chose pour accompagner. Ah, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. J'ai coupé. Vous parlez des miracles. Devant mon jardin, il y avait une petite tige de tubercule, de manioc. Très petit comme ça. Je ne savais pas comment, en fait, c'était là. Et mon voisin est venu là pour passer avec la voiture. À cause que c'était venu en haut, il ne voulait pas casser. Il voulait contourner. J'ai dit, mais voisin, casse, tu passes. Il dit que non, c'est encore très jeune. Si on casse, c'est pour gâter. J'ai dit, casse, tu passes, c'est la roue. Il a refusé. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Quand je suis entré, je ne sais pas, j'ai su qu'il me fallait sortir. Je suis sorti pour me tenir là, pour regarder ce qui devrait se passer. En fait, c'est des signes que le Seigneur fait. Je savais seulement que quelque chose de merveilleux allait se passer. J'ai regardé pour voir. Je me suis conduit vers le garçon qui frappait les papins. Mais j'ai dit, pourquoi je ne tire même pas le truc si j'enlève pour que la route soit libre? J'ai tiré comme ça. Deux longs tubercules sont sortis en avant. Tout le monde a dit que, hey, le petit qui l'a donné les deux manioles à moi, j'ai eu peur. Je me suis tourné comme ça, j'ai commencé à chanter les cantiques. J'ai dit, yes, Seigneur, maintenant je peux gêner. Je peux continuer dans mon jeu tranquillement. Comment ça se passe? Tous ceux qui étaient là, c'était des miracles. Et je n'ai pas pu préparer les deux. J'ai fait un, j'ai laissé l'autre. Parce que c'était très gros. Et la tige montre que ça ne pouvait pas donner ça. Comment Dieu fait ça? Ici, il faut que tu manges mon cœur pour que je ne croie pas en Dieu. Il m'a donné le complément de mon... Oui ou non? Ça a résolu mon problème. L'autre Dieu est souverain. Mais nous, étant chrétiens, on a besoin des preuves palpables pour se rassurer de notre position et marcher avec lui. Si on a ces preuves, la foi devient ferme. On a des difficultés et des peines, on ne se trouve pas. Hébreu au chapitre 11, le premier verset est accomplé. Nous, on espère, bien qu'on le voit, on a cette ferme assurance que ça viendra. Et par contre, ça finit et ça arrive. Amen. Amen. Nous en avons besoin. Donc, mes frères et mes soeurs, ne dites jamais que Dieu est souverain. Quand on prie, on doit attendre. Oui, il y a ce qu'on doit attendre. Mais il y a ce qu'il faut que ça soit palpable. Il faut que ça vive. Si tu as besoin de ce qui est nécessaire et le Seigneur ne te donne pas, il y a un problème. Amen. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, si pour parvenir à être bon, s'inquiéter, il faut qu'on ait l'assurance que celui qui a dit que ne vous inquiétez pas donnera au moment opportun. Nous avons besoin. Si il dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Que l'heure vienne. Tu ne remplis pas ici. Si tu vas dormir, là, les inquiétudes vont commencer. Personne ne doit venir te dire ne t'inquiète pas. Et si quelqu'un vient, mon frère ne t'inquiète pas, tu vas dire ah, Kaki, là, avec tes affaires là. Parce que tu sais que ce n'est pas vivant. Or, si ça prend vie à partir de là, ce passage d'écriture s'est accompli dans ta vie. Tu sais que je ne dois pas m'inquiéter. Parce que son œuvre vient, il donne ce qui est nécessaire. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux. Si on reste là pour en faire des tonnes de témoignages, vous verrez que la vie chrétienne, c'est ça, le témoignage. Quand il vous exauce, soyez reconnaissants. Parce qu'on a besoin de l'exaucement pour croître dans sa connaissance. Et puis, quand on a ses preuves, ça nous pousse vers l'avant et non en arrière. Alors si un chrétien dit « Je suis chrétien pendant 5 ans » et il fait naufrage, il y a un problème. Il n'a pas connu son Seigneur. Alors, pour le pilier de la foi, comme j'expliquais pour le chrétien, c'est la rencontre du Seigneur. Il faut l'avoir connu. Amen. Il faut le rencontrer. Et si on le rencontre véritablement, on ne lutte plus pour se débarrasser de ce qui ne le plaît pas. Pourquoi? Tu fais tout pour préserver cette communion-là entre lui et nous. Chacun dit, on pouvait voir le cas de David, on peut voir le cas de David dans les Écritures. David, lui, est un homme qui aimait Dieu. Il était prêt à mourir, à devenir un négatif, bien qu'il est roi, pour préserver sa communion, lui et le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commet des péchés dans son ignorance comme ça. Mais dès lors qu'il ça touche son oreille, ça a blessé son cœur. Il n'a pas cherché à poser des questions comme mais comment on va faire? Il s'est écoué, il s'est étalé que la solution c'est là. Jusqu'à ce que le Seigneur ait reconstitué toute chose. Jusqu'à ce que sa communion soit restaurée. Parce que le chrétien a besoin de ça. S'il y a une barrière entre nous et le Seigneur, la vie de la foi s'arrête là-bas. Il n'y a plus croissance. La croissance pour nous, c'est qu'il est avec nous. Il agit, ça nous attire. Il agit, on avance, on a les forces. Mais dès lors qu'il y a la barrière, tu cries à gauche, tu cries à droite, il n'y a pas. Tu attends, tu vois que la fin ne change pas, tu commences à tâter à côté, là où la solution va sortir directement. Comme ça, tu détournes ton cœur de Dieu pour le secours de l'homme. Tu vois, tu viens de fermer la barrière. Or, si on est chrétien et qu'on a rencontré le Seigneur, on donne tout pour lui être agréable. On donne tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait citer que j'ai fait de cela une application à ma vie, à celui d'Apollos. On s'applique dans ces choses. Dans ce passage de l'apôtre Pierre, il dit « Efforcez-vous à ajouter à votre foi ceci pour que vous soyez dans l'abondance. Et si vous êtes dans l'abondance, vous ne serez point stérile. » Et alors là, si tu n'es pas inspiré, tu vas enfanter. La vie de la foi s'exprime au travers de nous. Sans qu'on ouvre la bouche. Sans qu'on ne s'effondre. On ne lutte pas pour croire en Dieu. On ne lutte pas pour se détacher de la corruption du monde et des convoitises. Mais ça quitte librement parce que tu sais en qui tu as cru. Ton appui, tu sais sur quoi tu es. Tu es appuyé. Si tu es sûr que le trou ne peut pas sortir ici, on dit il y a un trou là-bas, tu dis ça c'est ton trou. Ça ne te dit rien. Parce que tu as ton assurance. Mais si tu ne sais pas sur quoi tu es posé, on dit il y a un trou. À cause de ça, tu peux quitter la pluie pour tomber maintenant dans le trou parce que tu ne savais pas sur quoi tu étais posé. Amen. Amen. Donc nous, les saints qui sont ici, nous avons besoin de rencontrer individuellement le Seigneur. Ça, c'est la première. La seconde, nous avons besoin de notre communion intime avec lui. Sans passer par quelqu'un. Notre communion avec lui. Nous avons besoin de ça. Et nous avons besoin de ses forces, de ses grâces. Donc, il faut qu'on le rencontre. La première des choses, il faut qu'on le rencontre. Sa rencontre nous donne la force de quitter, d'accepter souffrir pour lui. Bien, bien aimé. On prêche le cas des femmes, n'est-ce pas? Parce que tu dis une femme, voile-toi, elle lutte pour se voiler. Parce qu'elle ne connaît pas. Mais dès lors que tu connais ça, tu n'aimerais pas passer la journée sans ton voile. Parce que tu sais, à tout moment, tu invoques ton Seigneur. Et si tu es en train de l'invoquer loin du foulard, tu viens de faire une bêtise, une erreur qui n'est pas bonne. Alors tu es constant avec ton voile et dans la joie. Parce qu'à tout moment, on est assis comme ça. N'importe quoi se présente. Ici, invoque le Père. Parce que c'est là où notre cœur est gardé. Là aussi est notre trésor. Tu attends que quelque chose sorte du trésor pour résoudre ton problème. Tu es à tout moment. Tu l'invoques parce que ton intimité est liée à lui. L'intimité n'est pas dit seulement quand je suis à la maison, ou seulement le matin, ou seulement le soir. Non. À tout moment, on est comme ça. Satan, comme ça. On en a besoin de ces choses pour croître dans la foi. Pour croître. Le Seigneur a permis que cela arrive ici pour nous. Que chacun prenne cela pour sa part. Amen. Pour sa part. Et dit, Seigneur, que ces paroles me donnent la force de te connaître. Notre sujet de prière, Seigneur, je vais te connaître. Fais-moi te connaître. Je veux te connaître. Priez ainsi dans le jeûne, dans la prière. Voilà les voies, dans la méditation. On a besoin. Pourquoi la méditation? C'est par là que tu connais comment l'invoquer. Tu connais comment le supplier. Tu en as besoin de ceci. En lisant, il te donne un sujet nécessaire et suffisant pour l'invoquer. Tu t'appuies sur ça, la chose est accomplie. Tu commences à comprendre que la vie de la parole est vivante. Ça habite ici. Bah, ça sort, ça prend vie. Tu vois, ça donne encore la force de retourner ici. Mais si ces choses ne vivent pas, on doit faillir. On doit faillir. Voilà les bases et les fondements de la foi. Il faut rencontrer notre Seigneur. Prions chaque fois sans cesse. Priez. Il est vrai que ne connaissant pas, on a des difficultés. Mais rassurons-nous ceci. L'Écriture montre que le Seigneur Jésus a fait 3 heures de prière en répétant les mêmes choses. Les mêmes choses, 3 heures de prière. Pourquoi? Parce qu'il attendait quelque chose. Il savait que la solution doit être l'exaucement de ce qu'il demande. Nous sommes d'accord. Il a fait 3 heures. L'Écriture ne condamne nulle part en demandant la même chose, en persistant, en persévérant. C'est un problème devant Dieu. C'est lui-même qui est encouragé par le seul livre de Luc, cette femme. Cette femme avec le juge Élie, elle a passé son temps à le déranger. Jusqu'à ce que, elle a dit que, ouais, laisse, je vais. C'est lui qui nous encourage. Persister, persévérer dans le jeûne, dans la prière. Je vous exauce. Alors, si nous on prend ce sujet de prière, Seigneur, j'ai cru en toi. Et depuis que j'ai cru, je ne t'ai point rencontré. Père, fais-moi te rencontrer. Je veux te connaître. Fais-moi te connaître. Affermis mes pas. Affermis-moi dans la foi. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez point. Il fera des grâces merveilleuses. Et chacun de nous, si on est assis comme ça, et chacun de nous a son espérance avec le Seigneur, le doute ne peut pas se trouver au milieu de nous. Au contraire, tous les cœurs sont ouverts pour que la parole qui peut coller ici afin de nous lier à notre Dieu. Nous en avons besoin, pas vrai? Oui, si chacun de nous a son expérience fiable avec le Seigneur, quand on se rassemble pour être meilleur. Parce que ce qu'on vient chercher, on ne vient pas par la pensée. Chacun vient là ayant un désir d'ajouter quelque chose pour fortifier sa foi. Pour fortifier, on est comme ça. La parole qui décide, tu prends ta part, oh Seigneur, j'avais besoin de ceci. Tu recours à la prière. Tu cries, paix, il ajoute. Les forces du chrétien sont faites. Tu n'as pas besoin d'autre évangile. Tu n'as pas besoin qu'on vienne t'expliquer des choses concernant Dieu. Merci Seigneur. Vous, on a vu le cas de cette maman-ci, hier, comme on parlait, celle de la France là. Là voilà qui donne un témoignage, ce qu'on nous a enseigné ici. Elle l'a reçu. Tu crois que cette maman-ci, tu peux venir l'évangéliser? Tu as des problèmes. Tu tombes devant, par humilité, pour rester calme. Tu fais ton bruit, tu es fatigué, la sueur sort. Elle te met dans un verre d'eau glacée. Tu bois, tu rentres, tu crois avoir fait quelque chose. Elle te dit, elle te regarde seulement par humilité, elle ne bourdonne pas, elle te laisse. Mais tu ne peux pas l'ébranler parce qu'elle connaît son Seigneur. Voilà, il m'a donné quelque chose de vrai. C'est pour dire, mon enfant, fais recours à ma parole. Fais recours, je vais te montrer encore plus d'avantages. Quand c'est comme ça, elle ne perdra pas une seconde pour bavarder. Elle préfère être seule pour se concentrer ici parce qu'elle cherche là encore des choses merveilleuses. C'est comme ça que le Seigneur forme ses enfants. Alors si on a des espérances comme ça, chacun pour sa part, on arrive là, on témoigne. Ça donne aux faibles la force de s'avancer. Plus tel à haut, Seigneur, ne m'abandonne pas. Ça lui donne la force, on se fortifie. On croit ensemble dans la foi. Et par sa grâce, les choses merveilleuses et les promesses qu'il a faites seront accomplies dans notre vie. On ne serait plus des chrétiens de pensée, de parole, mais on serait des chrétiens qui manifestent la vie du Christ. Nous serons ainsi. Des chrétiens manifestent la vie de Christ. On te rend humain. Voilà des chrétiens. Parce que ces choses habitent en nous. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur abondent au milieu de nous. Amen. Amen. Amen. Amen. Tenons-nous debout. C'est tellement bien qu'on dit. Je voulais dire à Frère Achille qu'elle n'arrête pas. Mais comme il est toujours là, il veut justement qu'on arrête. La Bible déclare dans le Saint livre de Luc au chapitre 24 que notre cœur ne vibre-t-il pas dedans quand il parle. Vous voyez, moi, je suis souvent besoin de ça. Quand il parle comme ça, mon cœur est bon. On a comme l'impression qu'on écoute. J'écoute comme ça, c'est une personne qui en est parlé. J'écoute, je suis content, pas vous. Mm-hmm. Donc, vous voyez que si je ne suis pas là, c'est qu'il y a toujours des gens, n'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Voilà. Remercions le Seigneur donc. Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Merci pour cette exhortation, Seigneur, dans la confiance et la culture, oh Dieu de gloire, de la confiance et la confiance, la patience en toi. Merci parce que tu viens de nous parler, oh Dieu de gloire, qu'il faille que nous ayons de l'expérience avec toi. Avec cette expérience, oh Dieu, ça va nous permettre, oh Dieu de gloire, de nous forger sur un roc sûr, un rocher sûr qui ne s'ébranle point. Donne-nous, oh Dieu de gloire, d'avoir de l'assurance auprès de toi. Seigneur, très souvent dans chacune de nos vies, oh Dieu, nous avons eu de l'expérience avec toi. Nous avons touché, oh Dieu de gloire, tes grâces, mais très souvent nous n'en sommes même pas conscients. Puisse, oh Dieu de gloire, ce soir, que quelqu'un puisse savoir, oh Dieu de gloire, comment il a grandi. Des gens ont été dans des difficultés, dans des moments difficiles, tu les as sortis de là sans leur propre force. Très souvent, on n'est pas au courant que c'est toi qui le fais. Mais c'est en tant que chrétien, Père, nous savons que c'est toi qui es à l'œuvre. Car c'est toi qui fais toutes choses bonnes. Tu ferais des chemins dans nos vies. Donne-nous d'être reconnaissants, car c'est un commandement que nous soyons toujours reconnaissants. Et tu dis qu'on rende grâce à Dieu en toutes choses, Seigneur. Que ce soit des situations difficiles qui arrivent dans nos vies, donne-nous de te dire merci. Que ce soit des choses, oh Dieu de gloire, des multiples grâces qui arrivent, qu'on se souvienne que ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, ni parce que nous sommes beaux, ni parce que nous avons des relations que ces choses arrivent. Car tu dis dans ta parole que tout arrive à tout le monde sur cette terre-ci. Mais tout dépend pour chacun des temps et des circonstances. Et c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Donne-nous de ne pas oublier ces choses, Seigneur Dieu, par le manque duquel beaucoup ont fait naufrage dans la foi. Donne-nous de marcher dans cette foi, d'avoir confiance en toi, que nous sommes sortis du ventre alors que d'autres personnes étaient avortées. Nous avons grandi et nos amis sont morts. Nous avons tenu jusqu'à maintenant, jusqu'à te connaître, alors que d'autres sont encore dans la boue et dans le monde. Nous n'avons pas mérité sur quelque plan que ce soit. Donne-nous de comprendre ces choses et de se prosterner et de dire merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Comment tu vas, frère? C'est vrai, comment tu vois? Comment tu as dormi avec la pluie d'hier et le fait que ça t'a mouillé? Ta femme t'a dit hier que ouais, chérie, tu es mouillé. Elle n'a pas rendu compte. Ou bien tu es venu comme ça demain, elle a dit que c'est mieux. Tu n'as pas dit chérie, je suis diable là. Je n'ai pas voulu la déranger. Mais vous n'êtes pas fatigué, on peut voir certaines choses dans la Bible. Parce que depuis deux jours, quelque chose sur le cœur et les dents. Je sais que c'est que s'il va dans la Bible, ça va nous amener dans tout le coin de la Bible. Mm-hmm. Si vous n'allez pas dormir, non? De toute façon, même si quelqu'un fait comme ça, on va seulement finir avec ça. Oui. Bah, c'est pour ça qu'il y a parcours de kilomètres pour venir ici. C'est le temps où gifle. Tu dis ça, tu dis vrai. Mm-hmm. Bon, choisis qui, tu dis donc qui te gifle. Ceux qui sont autour de moi. mais lui-même, ça ne laisse pas souffrir. Donc nous allons travailler dans la parole, d'accord? On va travailler dans la parole. On va travailler dans la parole. Avant de travailler, s'il y a des questions, si vous avez des questions, je crois que vous avez eu des bons moments en partage avec le frère Achal, alors que nous étions en train de débrousser sur un autre terrain du Seigneur de l'autre côté. Mais si vous avez déjà travaillé avec le frère Achal et que vous avez il a eu à répondre aux questions, s'il y a un peu de questions, on avance. Le frère Achal a épluché les questions, n'est-ce pas, frère? C'est un défi pour la foi. C'est un défi. Il ne s'agit pas de lire ceci comme ça, de commencer à parler que je connais que tel verset. Il faut que ce verset se quitte d'ici pour prendre vie. C'est ça qui donne les questions. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de pratique. Une vie où le Seigneur ou le ciel descend dans ta vie pour manifester sa volonté. C'est ça dont il est question. Une vie, la vie chrétienne ne se limite pas seulement à la connaissance de telle ou telle réalité. Parce que les religions ont ça de commun. On dit des vérités. Il n'y a pas de religion où on dit qu'il faut tuer ton voisin. Il n'y en a pas. Des autres, c'est qu'il faut te faire du bien. Chacun, même les satanistes, savent qu'il faut faire du bien. Vous savez que les sorciers ont des enfants. Pourquoi ils font grandir les enfants? L'enfant peut dire bébé, bébé, pourtant il tue quelqu'un d'autre. Vous vous êtes posé la question. Parce qu'en lui, il y a la soif de l'amour, il y a la manifestation de l'amour. C'était comme ça, c'est qu'aucun sorcier n'a des familles. Mais ils ont des enfants. D'autres sorciers même mangent les enfants des autres. Ils disent que ça va se voir ton enfant pour que quelqu'un touche. Juste parce qu'il est prêt de sortir de la société des sorciers quand on dit que donne ton enfant. Pas vrai? Tandis que même lui, il a l'amour. Sur le cœur que donne l'autre, si ça va me faire mal si on le donne. Alors, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a de ces choses, ces points-là qui sont communes, des questions communes dans différentes religions. Mais le christianisme dépasse tout cela parce qu'il s'agit de Dieu ici à l'œuvre. C'est ça, la différence entre les chrétiens et les autres religions. D'accord, frère? Et c'est pour ça que le frère disait tout à l'heure, nous exhorter d'avoir cette vie-là. Ces choses-là qui te donnent la certitude que tu avais Dieu. Si on prend seulement le témoignage, on prend seulement le moment de témoignage, on racontait des choses que Dieu a fait. Ah! Il y a des moments où vous allez dire que c'est sûr que les gars se sont arrangés, que c'est le film qui s'en est dit ou ils sont en train de tourner. Mais il faut que vous soyez dans la scène. Donc ma prière, c'est qu'il faut qu'il se manifeste et vous ne pouvez plus être le même. Vous ne pouvez plus, même si vous voudrez. C'est souvent force les déclarations qu'on fait, n'est-ce pas? Vous ne pouvez plus être le même. Vous savez que quand vous êtes sorti du ventre, quand le moment de lait est arrivé, tu n'as pas le choix que d'abandonner le lait. Vous ne pouvez plus être le même. Quand il y a les dents là, on ne te donne plus le lait. On te donne ce que tu vas marcher avec ces dents là, parce que les dents sont, tu as les dents de disposition pour pouvoir marcher. Vous ne pouvez plus être le même. Même si vous voudrez faire autrement, vous ne pouvez plus être le même. Vous allez l'expérimenter. Parce que c'est sa volonté, c'est sa façon de faire. Et voici le moment où il va entrer et prendre possession de son église. Donc attends les questions avant qu'on ne parte dans les Saintes Écritures pour voir ce qui peut nous donner ce soir. Je ne sais pas où on peut commencer, mais c'est là. Y a-t-il des questions, frère? Ou bien vous dites que partez, que je pars, que je commence. On commence. On commence, vous êtes d'accord? Psaume 101. C'est notre psaume 101. Vous savez chanter ces cantiques, nous sommes au Seigneur. Et c'est Dieu notre Père qui dans son grand amour nous convie. N'ayant qu'un seul sauveur, enfant du même Père. Oh, oh mes frères. Devons avoir la Bible. Lèvons-nous. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Dieu les querelles. Et tout vienne les haines parmi les enfants du Saint-Royaume. Par l'amour de Dieu, chassons ces choses vaines. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est lui qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh, oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Fini les divisions, fini les calomnies, parmi les enfants du Saint-Royaume. Dans l'amour de Jésus, vivons en communion.

mission. C'est le qui nous unit. Oh, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh, mon frère, aimons-nous toujours, oui, pour toujours. Oh, c'est le qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh, mon frère, aimons-nous toujours. Amen. Aimons-nous. Arrête ton frère, arrête ta soeur. Dis, mon frère, ma soeur, même s'il y a n'importe quoi, je t'aime au nom du Seigneur Jésus. Oui, je t'aime. Même si tu m'as fait n'importe quoi, je t'aime. Je t'aime au nom du Seigneur Jésus Christ. Gardons le lien de l'esprit. Amen. Je t'aime au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur. Même s'il y a eu quoi, même s'il y a n'importe quoi, je t'aime au nom du Seigneur Jésus Christ. Dis-lui, gardons le lien de l'esprit. Gardons le lien de l'esprit. Gardons l'amour. Gardons l'amour. Fini les divisions, fini les calomnies. Et nous les enfants du Saint-Royaume. Dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh, ma soeur, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Oui, pour toujours. Et c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit, qu'il nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, amen. Amen. Bonjour. Regarde quelqu'un face à face comme ça. Dis mon frère. S'il y a n'importe quoi, si y a n'importe quoi contre moi, ouvre ton cœur, dis-moi. Ne garde pas. Ne pas même mal parler. J'ai une autre personne. Ce n'est pas bien. C'est de la calomnie. Fini les calomnies. Fini les provisions. Parmi les enfants du Saint-Royaume. L'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit. Et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Dans la plus tendre jeunesse de ma foi, quand j'ai cru au Seigneur, il m'a montré que les choses telles que Éphésiens chapitre 4 le dit, que l'amertume, toute calomnie, les animosités et la colère disparaissent du milieu chrétien. Dieu m'a fait comprendre que voici les choses qui, ce qu'on appelle en anglais hindra, qui bloquent l'accès à la prière, plus que toute autre chose. Et bien plus, laisse la personne dans le désarroi. La personne prie, comme le frère Achille disait tout à l'heure, là, tu pries, les choses ne semblent pas marcher, tu ne sais pas où le blocage se trouve. C'est une grâce que d'avoir un cœur libre pour prier. C'est une grâce que d'avoir un cœur libre pour prier. Parce que quand tu as un cœur libre pour prier, tu as ton esprit est facilement accès devant le Seigneur. Donc les choses, la rétention du péché, le manque de pardon sont des pieds d'achoppement terribles et les filets de Satan qui lancent dans nos vies. Même si n'importe qui a fait n'importe quoi, il faut pardonner. D'accord, frère? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Saint. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Saint. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons travaillé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Puisse nous conduire là maintenant c'est merveilleux, pas vrai, frère? Si les chrétiens pouvaient seulement vivre dans cette loi-là, la loi de l'amour, le lien de la perfection, que ayez ardemment l'amour, les ardemment, vous entendez, vos frères, ardemment les uns pour les autres. C'est-à-dire que comme tu es là, par amour pour toi, comme je t'aime, je ne veux pas dire que je dois te blesser. Parce que ça te blesse, ça va me faire mal. Si tu n'es pas content, ça va me faire mal. Parce que si tu vois, par exemple, nous entrons ici, tu restes tranquille comme ça, on parle, tu ne ris pas. On fait un peu comment? Tu n'es pas à l'aise. Frère, on ne sera pas à l'aise. Ça veut dire que si un membre souffre, il souffre. C'est ça, n'est-ce pas? Alors si ce frère-ci, il est mal à l'aise, et qu'on continue à prêcher, il faut qu'on arrête cela, qu'on résout le problème, parce qu'il soit aussi dans le même mouvement. C'est ça. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit dans cet amour. Cet amour-là, ce n'est pas juste de dire, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. C'est, vous arrivez au niveau où vous avez comme impression que vous êtes lié. Que si on touche le frère-ci, ça te touche. C'est ça que Dieu demande dans la Bible. Que non, tu aimes tel frère, je ne le déteste pas. Ah, tu l'aimes, je ne le déteste pas. Il faut dire avec assurance. Tel frère, de telle enseigne que si tu as de dormir à 4, si ce frère t'appelle que j'ai un problème, est-ce que tu peux te lever comme ça, comme un homme, pour dire, ah, il faut que je. Mon frère a des problèmes. C'est ça que Dieu a de parler. Et aimer ardemment les uns les autres. D'accord? Et dans cette soirée, donc, nous allons voir, dans cette soirée que nous allons faire, nous allons voir l'une des causes du fait que les chrétiens ne s'aiment pas de façon ardente. Nous allons voir ça même dans les écrits, dans les saintes écritures. Vous voulez que nous voyons comme ça, n'est-ce pas, frère? Qu'est-ce qui empêche les chrétiens à vivre pleinement l'amour? Il y a un personnage qui manque ici. Il y a ce mot qui me tremble là. Oui. Donc, nous allons voir pourquoi. J'ai dit tout à l'heure, somme 101, c'est ma main bonne. Somme 101. Nous allons voir dans les Écritures pour qu'est-ce qui empêche que les gens vivent pleinement l'amour et qu'il y ait toujours cette tension sur un milieu chrétien. L'une des principales causes. L'une des principales causes du fait que les chrétiens manquent de ces choses, de la charité ou bien l'amour ardent là. La solidarité. Cette solidarité. C'est vrai qu'on peut avoir la solidarité sur le plan extérieur, mais Dieu veut que ça soit à l'intérieur. Il faut qu'on soit unis dans le cœur. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que sur le deuxième commandement, après, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et le Seigneur, en quittant la terre, encore dit que je vous donne un commandement nouveau. Je vous laisse mon commandement à moi, aimez-vous les uns les autres. Mais mes frères, si c'est Dieu qui vous s'abouche pour dire aimez-vous les uns les autres, ça veut dire que ce n'est pas facile. Il faut que vous compreniez d'abord ça. Chaque commandement qui est donné, ça suppose qu'il y a des résistances à ces commandements-là. Chaque commandement qui est donné dans la Bible, quand vous lisez, sachez qu'il y a une résistance contre cela. Et Satan donc va s'atteler à ce que ces résistants-là naissent pour pouvoir désobéir au commandement de Dieu. Le but principal, c'est cela. Vous savez, n'est-ce pas? Vous voyez, la Palestine, en terre d'Israël, la Palestine et les Israéliens, ils sont en train de lutter, on fait une trêve. Un enfant prend un petit caillou, il lance sur un soldat, ça tape la tête, bam! Il se tourne aussi en disproportion, il tire sur l'enfant meurt, la guerre commence. On dit qu'il faut que le soldat israélien, que le gouvernement israélien demande pardon officiellement. Il dit, je ne demande pas pardon, j'engendre des guerres. Les gens dépendent de santé et de l'union à cause de la guerre où quelqu'un voit ce soir à la télévision dit, pardon. C'est ça qui crée le problème dans le monde comme ça. Que pardon, que j'ai fait quoi? Que pardon, tu es qui pour faire le pardon? Je ne demande pas pardon. Chercher, même si c'est militairement, on fait plus vite. C'est que je vous déclare, ça se trouve dans la Bible. Il y a un roi là qui était mort, le roi du nord qui était mort, d'Assyrie qui était mort. Son fils a pris le pouvoir. David a envoyé ses invités pour dire que, ok, quand ton père était au pouvoir, on avait des bonnes relations. Il a envoyé ses invités. On a dit, il y a un conseil qui venait à côté de lui. David, tu le connais même. Il a envoyé les gens pour venir regarder comment le pays est pour venir te traiter. Le gars dit, ok, c'est pour ça. Hein. On a pris coiffer. Vous savez ce que ça veut dire, coiffer la barbe chez les juifs. Couper la barbe, couper le vêtement, le laisser aller. Le roi a entendu cela. Il a dit à ces gens-là que restez à Jérusalem jusqu'à ce que votre barbe et votre cheveu poussent. Et puis, quand le roi, lui, il a fait comme ça, il a senti qu'il a engagé la guerre. Il a amené les Égyptiens à payer les Assyriens à sa solde pour s'engager dans une guerre. David a passé toute la tour à lui. Tout simplement parce que quoi? Quelqu'un est venu te rendre visite. Tu as pu pour coiffer. Ça a engagé la guerre. Il pouvait encore envoyer même l'ambassade pour dire pardon, j'ai dû faire l'erreur. Au lieu de faire ça, il passe à appeler les gens que allons en guerre. Quelle est la cause de la guerre, frère? On demande vraiment que le vrai problème, c'est quoi? Il va dire quoi? C'est comme ça l'être humain. Dans ces choses, il faut qu'on comprenne qu'il y a des choses que dans notre marche chrétienne, des choses que seront des pierres d'achoppement. Comme quelqu'un, vous savez, les prisonniers ont attaché le gros fer avec le gros masque sur la terre, au sol, et tu marches, tu ne peux pas fuir. Des choses comme ça qui nous traînent. Nous traînons. Ça fait de sens que notre vie de chrétienté reste stérile. Et chaque fois, on tourne dans un rond. Un temps, quand tu dis à quelqu'un que mon frère, ça va, avec le reste des serviteurs, il dit Amen, Seigneur Jésus-Christ règne. Alors que tu as demandé si ça va, il dit le Seigneur Jésus-Christ règne. Avant que tu sois là, il ne régnait pas. C'est ça, n'est-ce pas? comme le frère Achille disait, il faut qu'on ait, on ait su qu'on a un père. Qu'on ait su. Vous dites à ce moment à quelqu'un que prie, dit que non, non, toi-même prie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'a pas accès là-bas. Que prie, non, toi-même prie. Prie. Prie, c'est-à-dire que s'adresser à Dieu, que vient t'adresser à Dieu. Alors que si on dit à quelqu'un que vient donner la fleur au président de la République, il sera le premier pour être le président de la République, un mortel. Mais on dit que parle à Dieu, que prie, que il sait vraiment prier. Si tu ne sais pas donc prier, donc ça veut dire que dans ta relation, qu'est-ce que tu fais avec Dieu? C'est un problème véritable en milieu chrétien. Je ne sais pas comment prier, donc je ne sais pas m'adresser à Dieu. Forcément, ça veut dire que tu ne connais pas, tu n'entends pas sa voix. Vous savez, c'est ça. Hein? Donc ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir l'une des principales causes. Je ne dis pas que c'est la seule cause, c'est l'une des principales causes, la cause majeure de ce qui arrive de telle façon que les chrétiens manquent de cet amour, cette solidarité, cet amour ardent dont le Saint-Esprit veut. Somme 101. Que le Seigneur vous bénisse. Je sens vraiment quelque chose parcourir mon cœur maintenant à cause de ces chants-là que nous avons vus là. J'espère que c'est la même chose pour vous. Somme 101. Il vous dit bonsoir pour ceux-là qui n'ont pas salué. On est en tout là-dedans comme ça. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vais lire à partir du verset 5 de ces chants, de ces psaumes 101 jusqu'au verset 7. Suivez attentivement. Psaume 101, à partir du verset 5, c'est là où nous avons commencé. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Vous avez vu ce qui est écrit là, frère? Nous sommes dans le psaume 101, le verset 5, c'est le début là. J'ai dit le but de ce soir-ci, où on va s'atteler à lire les Écritures, c'est d'expliquer le pourquoi ça manque d'harmonie ou bien d'amour ardent, comme la Bible dit. Vous lisez dans le Nouveau Testament. On dit que ayez ardemment, aimez-vous ardemment les uns les autres. Le Seigneur Jésus dit, tous ses disciples, même si vous écrivez n'importe quoi, vous pouvez parler de cet amour-là dedans. Et allez regarder la porte de l'amour, 1 Jean, pour voir comment partout il parle de cet amour-là. D'accord, frère? Alors, l'une des principales causes de pourquoi nous ne nous aimons pas les uns les autres, comme il le dit, c'est ces choses-ci, si on n'observe pas cela, tu vas continuer ta vie chrétienne, tu crois peut-être que tu n'as pas de problème. Alors qu'en réalité, tu as des vrais problèmes. Pourquoi l'amour ne s'extériorise pas du cœur? Parce qu'en réalité, tu ne peux pas aimer une personne et le trahir en secret. Tu ne peux pas aimer une personne et faire du mal à cette personne. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Et 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 3 à 7 sont clairs par rapport à cet amour-là. L'amour ne soupçonne point de mal. Il ne cherche point son intérêt. Il ne fait pas du mal à autrui. Il se pardonne tout. La Bible est claire. Il pardonne tout. Supporte tout. C'est un défi. C'est un défi que 1 Corinthiens 13 là s'accomplisse dans le cœur de quelqu'un. C'est souvent les maris, quand ils ont problème avec les femmes, qu'ils envoient sa femme, que l'amour pardonne tout. Que la femme se prend un lit. Que l'amour pardonne tout, tu pardonnes tout, tu ne pardonnes pas. Et c'est du cas, c'est lui qui a le problème, la femme aussi envoie le même verset, que pardonne tout. Non, non, on n'a pas dit tout, c'est tout. Même l'autre, signe n'est pas dedans. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, l'amour pardonne tout, ça veut dire que ça pardonne tout. Souvenez-vous de ce livre de Matthieu, chapitre 18, où le Seigneur a donné la parabole de cet homme à qui on a remis la dette. Une grosse somme de dette. Lui, il est sorti, il a vu quelqu'un, il n'a pas remis sa dette, qui était une petite somme. Et le Seigneur a dit que c'est ainsi que si vous ne vous pardonnez pas, votre Père Céleste vous traitera chacun de vous. Et donc, il n'y a pas de pardon sans amour. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, vous ne pardonnez pas. Vous ne pouvez pas dire que je t'aime et je te fais quelque chose, tu ne peux pas pardonner. Donc, je viens de dire, nous allons voir ce soir des fonds qui encombrent l'un des principaux piliers des choses qui empêchent aux gens d'aimer ardemment, comme la Bible le dit. Ces choses-là, c'est un cœur double. Un cœur double. Donc, nous allons voir maintenant la notion du cœur double dans la parole. La notion du cœur double. C'est le cœur double qui fait effectivement à ce que nous pouvons calomnier en secret. C'est-à-dire que je dis, frère, je t'aime. Mais tu me dis que. Frère, c'est vrai. C'est vrai, là. Qui, quoi, en mettant même son nom, c'est vrai, on savait de quoi il était. Il est sévère. Tu vois un peu cela. Qu'est-ce que tu sens de faire avec celui-ci, frère? Je t'ai calomnié. Pourtant, quand je suis tourné vers toi, qu'est-ce qu'il dit? Si il t'aime, est-ce qu'il va faire ça? Et maintenant, ce que je suis en train de faire, donc, c'est de l'hypocrisie. Donc, quand il vient vers toi, il dit, je t'aime, c'est de l'hypocrisie, sans s'en rendre compte. Donc, beaucoup de chrétiens se trouvent dans ces cas-là. Alors, dans ce psaume 101, le verset 5 dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Nous allons entrer en profondeur dans ce seul passage pour voir ce que Dieu lui en train de dire. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Si il veut dire, ce que tu fais en secret, sache que je te vois. C'est ce que Dieu dit. Puisqu'il a dit que c'est en secret. Et en secret, ça veut dire qu'il n'y a pas de témoin. Vous voyez? Donc, tu calomnies en secret. Et Dieu dit que le verset est en train de dire que Dieu voit et il a un jugement qu'il va apporter là-dedans. Et il dit qu'il va anéantir. Celui qui calomnie en secret son frère, je l'ai anéanti. C'est pour dire que quel qu'en soit le calomnie que tu fais, sache que Dieu est au courant de cela. Puis continue le volet suivant. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Mais c'est terrible ça. Un cœur comment? le regard comment? Vous êtes de voir. Donc quelqu'un à côté de toi, quand il te regarde comme ça, quand il parle, tu fais parce que tu as réussi. Dans ton cœur, tu regardes comme ça la hauteur. Avant que tu partes, regarde-moi lui là. Ce que je suis en train de dire, c'est dans le cœur que ça se passe. Un cœur enflé, un regard hautain, les deux sont liés. Parce que le cœur enflé s'exprime par l'extérieur. Quand quelqu'un te parle, tu fais, vous savez, quand les gens se fâchent, quand c'est fort, on fait. Mais comme on ne peut pas exprimer parce qu'on est chrétien, ça se passe, ça se bouscule là-dedans. Tu regardes quelqu'un comme ça, de la plante de pied, jusqu'à la tête, celui-ci parle même à qui, parce qu'il a réussi. Vous voyez, ces choses en milieu chrétien, ce sont des forteresses pour empêcher le Saint-Esprit de manifester l'amour de Christ au travers de nous. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans ce livre des Jean, chapitre 13, verset 34-35, que c'est par là la marque de l'authenticité du véritable chrétien. Et c'est justement pour cela que Satan a tressé ses filets et lancé là-bas pour mettre les chrétiens dans l'amertume. Beaucoup de chrétiens vivent dans le ressentiment, dans l'amertume sur le cœur. Et donc, comme ça, Dieu montre même des songes pour montrer effectivement que c'est le manque de pardon qu'il lui faut. Que le vrai problème, il ne voit pas cela. D'autres sont allés jusqu'à. Vous voyez, quelqu'un reste comme ça, son cœur le fait mal, il ne comprend pas, c'est sur les choses qui sont gardées sur le cœur. Parce qu'il y a la relation claire entre les crises cardiaques, les AVC, et ce que vous gardez sur votre cœur comme des problèmes. Quelqu'un réfléchit comme ça, vous commencez à avoir le mal d'estomac. Vous étouffez à cause des problèmes que vous avez. Or, frère, si vous voulez être libre, et dans votre sang, et dans votre corps, il n'y a pas de plus grand que de rester sans avoir de problème sur le cœur. Parce que, souvenez-vous, vous attachez quelqu'un sur votre cœur, vous venez de vous attacher. Si vous avez attaché quelqu'un avec le fil du bananier sur votre cœur, vous êtes attaché avec le fil de fer, le fil de tort. Vous êtes attaché vous-même avec le plomb. C'est ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, fais à autrui ce que tu voudras qu'on te fasse. Ce que tu fais là-dedans, c'est ce qui est en train de te faire. Et le Seigneur dit que si quelqu'un ne pardonne pas son prochain, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Donc tu as besoin de pardon. Toi-même, c'est pour ça que tu dois pardonner. C'est n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses donc, comme ça qui naissent par suite des frustrations internes. Tu peux être quelque part dans une famille qui est pauvre. Comme moi, je suis d'une famille extrêmement pauvre et même anéantie, même. Une famille disparaissante. Tu restes comme ça, tu vois quelqu'un qui a réussi à côté de toi. Pourtant, cette personne n'est pas meilleure physiquement et de façon habile pour que toi. Tu commences à te poser la question. Vous entendez donc l'expression « la vie est injuste ». La vie n'est pas injuste. La vie a réparti. Si on dit que c'est la vie qui l'a fait. La vie a réparti les choses de façon disciplinée. Donc, chaque personne a son rôle. Tu regardes celui-là comme ça. Tu es né avec lui, dans la même famille. Vous avez les mêmes buts, les mêmes objectifs, même couleur. Quel est donc le problème? Pourquoi donc tu as envoyé quelqu'un? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il dit donc, certaines choses commencent à arriver par suite des frustrations internes où nous souhaiterons avoir certaines choses que nous ne pouvons pas l'avoir. Et parce qu'on ne peut pas l'avoir, on commence à calomnier. Soit on calomnie, soit on jalouse, ou bien on commence à mentir, ou bien on dit des choses. Sans s'en rendre compte, on est à l'intérieur, Satan nous juste là. Tu lis la Bible, mais rien ne semble marcher pour toi. Satan amène le raisonnement. Pourquoi telle-là qui vit dans le péché? Pourquoi elle a telle chose? Ah, cette fille qui vit avec un garçon non marié, sa vie réussit, mais toi tu pries, ça ne marche pas. Pourquoi? Tu dis que tu es là, subitement le ressentiment commence. Et un temps tu commences à sanctionner Dieu. Pourquoi elle est reçue? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi? Comme s'il était, obligé de te rendre compte. C'est ça, n'est-ce pas? Notre cœur. C'est pour ça que dans la Bible, vous voyez, dans ce Proverbe chapitre 4, le verset 23, il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Lorsque c'est entré à l'intérieur, on commence à voir dans la souillure à l'extérieur, comme le Seigneur Jésus dit dans ce Matthieu chapitre 7, chapitre 15. Il a dit que c'est de l'intérieur que viennent les calomnies, les meurtres, les adultères, les vols. Donc quelqu'un vole comme ça, ce n'est pas comme ça. Ça sort de l'intérieur. Peut-être que tu as revu tes choses, tu dis, ah, si la fleur était dans ma table, le frère Henri se tourne comme ça, tu prends. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu vous laisses là. Vous cessez ça, n'est-ce pas? Il faut qu'on examine chacun de nous ici. Et puis, tout ce dont nous allons rencontrer, que nous puissions les transmettre la même chose, comme mon frère, ma soeur, quel qu'en soit ce que quelqu'un t'a fait, il peut te dire, oh, tu parles comme ça parce qu'on ne t'a pas encore fait ça. Dis que oui, on ne m'a pas encore fait ça, mais on a fait ça au Seigneur. Il y a quelqu'un, un porteur de fardeau, à qui on a fait tout ce qu'on peut citer sur la terre, et même bien plus. Et lui, il nous a dit de pardonner. La Bible déclare, pardonnez-vous les uns les autres, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Supportez-vous réciproquement. Parce que tu as intérêt, parce que ta vie en dépend. Amen. Donc le verset 5 dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Si vous vous rendez compte que vous vivez avec quelqu'un et que votre cœur commence à avoir des problèmes comme ça, là, allez rapidement dans la prière. Demeurez dans le jeûne et dans la prière. Dieu va le résoudre le problème. C'est les choses comme ça que Dieu résout. Parce que vous ne pouvez pas changer votre cœur vous-même. Rentrez dans la prière. rentrez dans le jeûne, dans la prière, juste lorsque vous sortez, vous allez voir, vous allez sortir victorieux. Amen. Verset 6, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Vous avez vu les gens, les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Comme chacun dit aussi, je suis serviteur de Dieu, cupide, il s'appelle serviteur de Dieu. C'est ceux qui sont intègres. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Vous voyez ce que Dieu dit? Celui qui se livre à quoi? Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6, la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est que personne ne nous n'use des fraudes dans des affaires, n'use des fraudes et des cupidités dans des affaires par rapport à son frère. Après, il dit que Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. C'est ça qui est écrit là. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se livre dans la fraude, quoi, peut-être qu'il va vivre avec Dieu. Et c'est curieux, donc vous voyez que les chrétiens vivent dans les entreprises, dans les entreprises, ils font exactement comme des mondains. Vous comprenez cela? Ça ne doit pas se passer. Il faut que lorsqu'il y a, là, il y a fraude, même s'il faut que tu démissions à cause de cela. Tu auras pris la plus bonne position dans les cieux. Les gens vont te déprécier sur la terre, mais tu auras pris la plus bonne position dans les cieux. Tenir ferme pour la vérité. Amen. Verset 8, enfin. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc, ça veut dire qu'on dit clairement que si quelqu'un commet l'iniquité, sur la liste de ceux qu'on va anéantir. Amen. Lisons le psaume chapitre 17, maintenant, verset 1 à 3. Psaume chapitre 17. Pendant que vous y êtes, je vous donne quelques versets, vous notez. On y va. Donc, on va lire le psaume chapitre 17, verset 1 à 3. Puis, notez Proverbe chapitre 26. Comme ça, après, vous allez me donner ces versets-là. On va lire. Proverbe chapitre 26, verset 23 à 26. Vous y êtes. Proverbe aussi, le chapitre 24, verset 17 à 18. Si vous notez, vous notez. Proverbe chapitre 24, verset 17 et 18. Un pied. Chapitre 4, verset 7 à 11. On continue. Romains 12, verset 9 et 10. Romains 12, verset 9 et 10. Psaume 97, verset 11. Psaume 37, verset 30 à 31. Psaume 37, verset 30 à 31. Psaume 15, verset 11 à 13. Éphésiens 4, 17 à 32. Éphésiens 4, 17 à 32. Puis Colossiens 3. Voilà. C'est bon là maintenant. Vous allez voir plusieurs injonctions dans la Bible donc. Vous allez voir plusieurs injonctions. C'est pour ça que vous allez entendre toujours. Chaque fois on va parler. Même dans le Nouveau Testament, on va toujours parler de quelque chose qui concerne le cœur. Lorsque le Seigneur Jésus va vouloir parler du fait qu'il va quitter la terre, on va le tuer. Après avoir lavé les pieds de ses disciples qui ont célébré la Sainte Cène. Le chapitre 14 des Jean commence par « Que votre cœur ne se trouble point. » Que votre cœur, le cœur ne se trouble point. Parce que lorsque le cœur est troublé, vous ne pouvez plus être tranquille. Vous savez, c'est ça, n'est-ce pas? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Et il dit ça pour le rassurer. Au chapitre 16, il va dire au verset 1 et 2, il va partir au verset 2, il dit que l'heure arrive même où ils vont vous jeter hors de vos synagogues, l'heure arrive même où quiconque va vous faire mourir, croira rendre un culte à Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque ça arrive, que ça ne soit pas une occasion de chute pour vous. C'est pour préparer les cœurs. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, il a dit que si vous êtes dans pour quel besoin, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Puis il dit là-bas que, et la paix de Christ, qui suppose toute connaissance, il faudra garder quoi? Vous entendez, n'est-ce pas? Ça va garder votre cœur. Parce qu'il n'y a pas des inquiétudes. Et le Seigneur Jésus a donné les injonctions dans ce livre de Luc au chapitre 21. Il a dit que gardez-vous, que les soucis ne gardent pas de votre cœur, de peur que les soucis ne viennent là-bas, pas les soucis de manger ou là-bas, les soucis de cette vie-ci. Parce que quand ça vient, vous voyez comment quelqu'un sort où le frère a raconté, c'est comment il faisait l'œuvre de Dieu en servant Dieu dans son ministère, en jeûnant, en priant. Mais quand il sortait, quand le moment était arrivé, Dieu manifestait ce qui était de sa part. Donc il dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Tout le monde cite ça. Mais de savoir que, voici comment on cherche premièrement le royaume des cieux. Puis les choses vont vous seront données par-dessus tout. On sait citer cela. Mais dans la vie pratique, ce n'est pas ça. Dans la vie pratique, c'est plutôt le verset mondain. Aide-toi et le seul t'aidera qui passe en premier. Et le, Jésus lui dit que qui parmi vous par les soucis, par les soucis de vos vies, là, par vos forces, là, vous pouvez ajouter un coudé à votre vie. Et si, il dit, et si vous ne pouvez pas, pourquoi vous vous inquiétez-vous du reste? N'est-ce pas ce qu'il dit? Non, mais c'est quand même curieux. Est-ce que c'est une parabole? Dans ce cas, pourquoi on fait ça, on lit cela, on fait autre chose? Vous voyez, quelqu'un se lève le matin, on se dit que non, non, non, je suis trop pressé, il faut qu'il parle. Mais non, je suis en retard, il faut que je parle là-bas. Oh, je suis en retard, sans prier. Qui garde les gens? Qui doit garder ton départ et ton arrivée? Tu viens de l'abandonner au profit de celui-là où tu en es allé. Et c'est lui qui est censé te garder. Vous voyez cela en année, n'est-ce pas? Donc, les choses que nous laissons entrer dans nos cœurs sont des vrais problèmes. Il faut qu'on les identifie que, en réalité, nous avons des cœurs doubles. Le psalmiste va dire, quand ils viennent me voir, ils prennent un langage. Ils me haissent en cause, mais moi, je recours à la prière. Donc, quand David est malade, il vient, il dit quelque chose, il dit faussement des choses, paix, il dit paix dans leur bouche, mais à l'intérieur, c'est quoi? C'est la guerre. J'ai dit, psaume 17, je crois. Psaume 17, verset 1 à 3. Puis, on va aller par la suite au proverbe, ça fait du 26, là. Regarde ce que le psalmiste dit. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec les lèvres, quoi? Sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Puis Dieu, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. C'est-à-dire, le psalmiste André Vula dit quoi? Si Dieu vient pour faire la justice, pour bien sonder le cœur, et il n'y a personne qui peut tromper Dieu, puisque la Bible est claire, dans Jérémie chapitre 17, verset 10, que c'est, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc s'il sonde les cœurs et les reins, David est en train de faire la prière en disant que si je dors la nuit, quand je dors la nuit, je dors, je sais que je ne voyage pas là pour faire la sorcellerie. Quand tu viens, si tu viens traverser mon cœur, tu vas voir que ce que je dis aux gens n'est pas autre chose que ce qui est sur mon cœur. Autrement dit, il n'a pas un cœur double. Donc le cœur double, c'est un problème. De dire à quelqu'un que frère Achille, je t'aime, mais pourtant tu n'aimes pas sur le cœur. Si ce n'est pas vrai, ne dis pas. Rentre dans le secret parce que Dieu travaille ces cœurs-là. Pour que ce soit vrai, pour que ce que tu dis soit vrai. Il faut que ce qui sort de ta bouche et ce qui est dans la pensée du cœur soit en accord. Si ce n'est pas en accord, ça ne marchera pas. C'est pour cela que beaucoup de nos prières restent obsolètes. Beaucoup de nos prières restent obsolètes parce que nous prions. Je prends un exemple pour le cas de prière pour vous saisir. Nous prions, demandons quelque chose à Dieu, mais dans le cœur, on ne croit pas. Parce que pourtant la Bible a déclaré ce que vous déclarez et vous croyez, vous avez la chose. C'est pas ce qu'elle dit. Donc ce que nous demandons et ce que nous croyons, les deux doivent aller en accord. Et de même, si il y a quelqu'un que mon frère, j'attends, ma soeur, j'attends, il faut que ça soit vrai sur le cœur. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. De la même façon, si tu ne parviens pas à croire que Dieu peut faire quelque chose, ne va pas prier. On appelle ça tenter le Seigneur. Il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Avant de s'approcher, il faut faire quoi? Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire, en conséquent, un, je crois que comme je suis en allé, je vais sortir avec ce que je suis en allé. Les demander. Il faut que celui qui prie croit que Dieu existe. On n'a même pas dit prier. Celui qui s'approche de Dieu. Donc je prends la décision pour aller prier. Il faut que je croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pas ça, frère. Donc c'est la même chose que le psalmiste entre les disciples. Il dit que si tu me sondes, si tu me visites la nuit, tu visites mon cœur la nuit, ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Donc si il dit je suis pur là-dedans, je ne suis pas de le dire comme ça alors qu'il y a le mensonge sur le cœur. Si il dit je t'aime, je n'ai pas autre chose. C'est n'est-ce pas? Proverbe chapitre 26 là. Donc, un cœur double. Après, nous allons prendre au moins 10 points de prière. Nous allons prier, chacun pour sa part. Il veut seulement donner les points de prière. Nous allons lire et prier. C'est ça qui dit que merci parce que vous êtes reposé. Je peux prier. On peut vraiment parler ici parce que. Ah, c'est merveilleux ça. Proverbe chapitre 26. Ces choses, prenez ces choses à cœur. Tant qu'on. C'est pour ça que vous allez remarquer la différence entre la religion. La religion, les gens sortent pour aller faire les rituels. Ils sortent. C'est pour ça que quand les gens sortent, on dit mal de sortir, ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que là-bas, tu n'as pas le temps d'être épuré, nettoyé, comme la parole le dit. Mais quand vous sortez, on te donne la parole, c'est ça qui fait que ça choque. Parce que tu te rends compte que tu as fait 20 ans, tu étais dans l'égarement. Mais pourtant, tu crois que tu étais chrétien. Quand on va s'approcher comme ça, tu vois, les gens sont dans une même assemblée, ils ne peuvent pas se parler. Il y a des gens qui sont ennemis, mais il y a des pasteurs même avec les anciens qui sont ennemis. Et ennemis, juste parce qu'ils ne se saluent pas. Mais c'est quand même terrible, parce que j'ai des chrétiens interrompus. Ha! Et ça veut dire que s'il arrive au ciel, les deux, quand on va commencer à louer, il va les regarder là-bas comme ça. Là. Que quitte là-bas, sur la terre, tu ne m'en fais pas. Ah, faites tout et tout pour que, souvenez-vous du Seigneur Jésus, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur par qui le scandale arrive. Mais faites tout et tout pour ne pas être un scandale à un enfant du Seigneur pour lequel Christ est mort. Ne mettez pas un bâton, une pierre d'achoppement devant le Seigneur. Ne faites jamais cela. Souvenez-vous que chacune des choses que vous allez faire à un chrétien, vous l'avez fait directement au Seigneur Jésus-Christ. Et souvenez-vous que toute chose qu'on vous aurait fait, on a dû faire ça au Seigneur Jésus-Christ, donc pas à vous. C'est pour cela qu'on ne devait pas vous défendre. L'église ne se défendait pas lorsque l'apôtre Paul allait de lui en lieu pour les persécuter. Ils étaient tranquilles, ils s'enfermaient, fuyaient, se cachaient. Mais Christ a répondu depuis le haut des cieux. Pourquoi? Parce que cela était sincère avec lui, il pouvait les protéger. Soyons sincères. Donc la Bible déclare que s'il arrive des scandales, malheur par qui cela arrive. Puis il dit ceci, dans ce Matthieu chapitre 25, il dit que chaque fois, quand je vais vous poser des questions, vous avez dit que chaque fois que vous avez fait ça, à celui de petits qui croient en moi, c'est à moi que vous les avez fait. Gardez toujours ceci à l'esprit. Donc quand tu peux dire que frère Achille, tu as vu le frère Alphonse, mince, il est mince comme la chicotte. Bon, l'autre là c'est quand même vrai, pardon, il est quand même mince, pas vrai. Donc si je suis de le calomnier, il parle de lui comme ça au frère Achille, en parlant mal de frère Alphonse. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de parler du Seigneur Jésus. Vous savez ça, frère? S'il parle n'importe quoi qu'il veut dire sur le Seigneur Jésus, en réalité, je fais le Congo ça du Seigneur Jésus-Christ au Seigneur Jésus. C'est quand même c'est ça qui est mauvais. Donc tu fuis, c'est un peu comme tu as fui pour être caché dans une chambre où tu as été caché, chez la chambre, dans la chambre de la personne qui vient, tu as fui. Donc ça, il ne faut pas qu'on fasse cela. Laissons l'apanage des mondains aux mondains. On ne peut pas dire de telles choses comme ça, faire de telles choses exactement comme le monde, et puis on dit qu'on est la lumière du monde. Il faut qu'on soit la lumière du monde. Donc désormais, ma soeur, mon frère, ma soeur surtout, parce que la Bible déclare que le ministère des calomnies, c'est pour les femmes précisément. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? On dit qu'elles apprennent à aller de maison en maison, étant oisives, à dire ce qu'il ne faut pas dire. Vous avez vu ça dans la Bible? Elle comme ça. Dit que ma soeur, il ne te dit pas comme ça, il ne dit pas, il ne t'a rien dit. Oh. Il ne te dit pas. Mais elle dit quand même. Elle dit qu'il ne t'a rien dit, mais elle dit. Sachant que ce qu'elle va dire va blesser. Vous voyez cela? Quand vous voyez un handicap, vous voyez qu'une soeur est dans les situations. La Bible nous recommande d'aller prier. Si quelqu'un voit son frère dans le péché, qui n'est même point à la mort, prie. C'est parce que la Bible nous recommande. Et on nous dit que d'aller faire le Congo ça. Hein? Parce que la Bible déclare que celui qui rappelle le péché de quelqu'un comme ça, et la Bible l'attire comme ça, le propre sur lui. Proverbe chapitre 26, souvenez-vous, le double cœur est le principal but. La principale pierre d'achoppement du manque d'amour chez les chrétiens. Proverbe chapitre 26, verset 23-26 dit ici. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase d'été. Oh mon Dieu, regarde ce langage-ci. Ouf. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Vous entendez ça, frère? Wow. Wow. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Il insiste là où pénétrer. Par ses lèvres. Celui qui hait se déguise. Non, ça dit, il dit quelque chose dans les lèvres, mais à l'intérieur, c'est la haine. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 que quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc tu restes debout. C'est pour ça que je te dis que vous ne pouvez pas haïr quelqu'un en même temps et l'aimer. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un et dire que vous appartenez à la famille chrétienne. Et ce verset du chapitre 5 de 1 Jean dit que et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc ça veut dire que si quelqu'un a la haine constamment sur le cœur, il faut qu'il se pose la question. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu la vie éternelle. Il est en train de se tromper qu'il est créé chrétien. C'est ce que la Bible nous enseigne là. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont comme ça. Ils ont adhéré à des groupes. Ils ont adhéré à des idéologies chrétiennes. Ils croient qu'ils sont chrétiens. Parce que la chrétienté, comme je vous disais à l'entrée, c'est la vie manifestée de l'Esprit au travers de nous. Et l'Esprit Saint ne serait pas en nous, on serait en train d'haïr quelqu'un. Pour tester que vous avez quelque chose ou que l'Esprit a même aiguisé votre conscience, si tu dis quelque chose de déplacé à quelqu'un, tu te tournes, tu vas savoir que quelque chose ne va pas. Mais il dit en toi, tu sauras que quelque chose ne va pas. Mais quelqu'un dit à quelqu'un, tu vois un frère, un jour, on dit que, comment on a parlé comme ça? Quelqu'un t'appelle et dit que frère, j'avais quelque chose contre de toi un an. Un an, comment tu as pu dormir un an avec cela dans ton cœur, frère? Ça me dépasse. C'est comme les juges qui sont dans la corruption, là, qu'on a déjà versé le fourmeau sur leur conscience. Donc, ça veut dire que quelqu'un vient en justice comme ça, celui-ci a tué la fille de celui-ci, il donne l'argent, on laisse le métro, on ne fait pas justice. Comment cette personne se peut dormir? C'est exactement comme ça, c'est chrétien. Comment tu peux garder quelque chose dans ton cœur contre ton frère? Et vous voyez chaque jour, il dit là que celui qui hait se déguise avec ses langues. Tu vois chaque jour, mon frère, saluez-vous les uns les autres, donnez-vous la paix. Regardez bien comment on dit dans les églises. Donnez-vous la paix. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit ça? La paix de Christ soit avec. On fait comment? Je sais pas, c'est vous qui êtes là-bas, je sais qu'est-ce qu'on dit. Quand tu tends la main, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu dis à ton prochain? Comment la paix de Christ va être alors? Comment tu peux donner la paix de Christ alors qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas en paix avec lui ni avec Christ? Comment? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, frère? Le cœur double est l'un des principales pierres d'achoppement qui empêche les chrétiens de s'aimer Exactement comme le Seigneur dit. Dans un enseignement, il dit que si on dit qu'on ne prêche pas la Bible, on prêche seulement le résumé des deux commandements, comme on a dit que ce sont la loi et les prophètes. On commence à détailler, vous allez voir vraiment que personne n'a encore commencé. Il dit que voici un commandement qui lui est semblable. Aime ton prochain comme... Comme... Et c'est quand même terrible. Réfléchissons seulement. Aime ton prochain comme toi-même. Tu as quelque chose dans la maison. Ton frère n'en a pas. Tu dois toi tranquillement, sachant que lui n'a pas. Comment il a fait alors qu'il est dans le Seigneur? Oh Seigneur, donne-moi tes choses. Il dit que, je vous avais dit que si un souffre ensemble, il donne ta part. Chez tel frère, il a gardé ça là-bas. Si quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur, comment quelqu'un peut dire qu'il aime le Seigneur alors que s'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? J'ai le bien de ce monde-ci. Je vois mon frère dans le besoin. Je vois mon frère, je constate que telle personne est dans le besoin. Je lui ferme les entrailles. Il fait comme s'il ne va pas. Ou bien, comme Jacques dit, qu'un frère n'a pas l'argent. Il dit, oh frère, marche, prends l'argent et t'assieds, que Dieu te bénisse. Comme on est facile avec le Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Et tu as l'argent de t'assieds pour toi. Vous voyez ça, frère? C'est méchant. C'est méchant, c'est la haine. Donc, beaucoup de chrétiens ont tué. Pas vrai, frère Achille? Beaucoup de chrétiens sont des meurtriers. C'est des meurtriers christiques. On continue ici. Il dit, par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Vous y êtes? Et il met au-dedans de lui quoi? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc il dit des lèvres, ma soeur, je t'aime. Mon frère, je t'aime. À l'intérieur, c'est quoi? C'est grave. Puis il dit, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. C'est ce que la Bible déclare. Car il y a sept abominations où? Frère, parents, soulignez. Si les abominations comme ça dans son cœur, vous pensez qu'il va aimer comment? Chaque fois quand tu vas vouloir faire quelque chose, même à cette personne, quand même si tu fais le bien, tu vas te rendre compte que c'est le mal sort vers cette personne-là. Tu vas dire que qu'est-ce que j'ai fait à telle personne? Ça ne va rien faire, c'est des abominations qui sont dans son cœur, qui sont les sorties. Puis il dit, si, écoutez bien très attentivement ce que le Saint-Esprit dit. S'il cache sa haine sous la dissimulation, c'est-à-dire que si tu dis, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime, le Saint-Esprit dit qu'il va te dévoiler, regardez bien, sa méchanceté se révélera où? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, ça ne sert à rien d'être dans l'assemblée et de garder la haine sur le cœur et de garder quelqu'un sur le cœur. Ça va revenir. Le Seigneur va révéler cela. Puisqu'il donne les songes, il va montrer un frère comme ça. Dieu vous a montré par exemple quelqu'un qui est nu. Dieu vous montre quelqu'un qui a fumé la cigarette ou bien qui a un frère comme ça. Là. C'est toi qui as fabriqué le rêve. Tu vas lui dire même pour que non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Pourtant, il sait à l'intérieur de c'est ça. Bien, comme on a pensé la sagesse pour transmettre les messages, tu viens baser ça à la figure, ça, bon, ça augmente encore seulement l'abonnation qui est sur son cœur. On continue dans ce Proverbe chapitre 24. Allons au chapitre 24. Proverbe chapitre 24, versets 17 et 18. Souvenez-vous, aime ton prochain comme toi-même. Il a même ajouté encore qu'il faut qu'on aime les ennemis. Donc si déjà entre nous, on n'aime pas, imaginez comment. C'est pour ça qu'on dans les écoles, on envoie le feu sur les ennemis en désordre. Alléluia. Chapitre 24 de... Je vous ai donné le noter aujourd'hui. Comme toi, comme tu es Android, tu les notes. Ok, tu as réussi. Chapitre 24, versets 17 et 18. Il dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ça, c'est même encore l'ennemi. Mais en milieu chrétien, tu vois un frère qui vient un peu bien, peut-être, tu t'attendais à ce que le frère fasse quelque chose, il ne fait pas. Le jour que le frère est dans les problèmes, tu rentres dans ton cœur, tu dis que c'est bien fait pour lui, il faut qu'il comprenne. Je dis, moi, c'est comment moi, je ressens. Hein, frère? Et si le Saint-Esprit a parlé même ici de l'ennemi, que si ton ennemi même chute, tu ne dois pas te réjouir. Mais il dit ici, nous sommes en train de traiter dans le cadre chrétien, les chrétiens se font les inimitiés comme ça. Puis il dit ici que, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Vous avez vu ça? Hein? Donc même si quelqu'un a tué ta mère, après tu dis que, un des autres, tu attends son enfant, il dit c'est bien fait pour lui. Il va voir, Dieu m'a rendu justice. Dieu dit ici que ne te réjouis pas. Vous savez, n'est-ce pas? C'est la Bible qui le dit. Le cœur double, c'est un problème en milieu chrétien. Le cœur double, c'est un problème en milieu chrétien. Nous ne devons pas avoir le cœur double. Romains chapitre 12, je crois que je laisse là également. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Chapitre 12, versets 9 et 10. Frère, il est tué, hein? Lis-nous Romains chapitre 12, versets 9 et 10. Romains 12, 9 et 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Stop. Tourne-toi, regarde ton voisin et tu lui dis la même chose. Et c'est vrai que la charité soit sans hypocrisie. C'est pas toi qui le dis, dis à toute l'assemblée. Que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. Bon, dis à ton frère que si tu ne comprends pas parce que vous avez charité. Frère, ça veut dire l'amour. Ça veut dire l'amour. L'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Voilà. Continuons, mon cher. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Vous entendez ça, hein? Ça, ça, ça ne doit pas s'attacher à toi. Même si tu entends une intention. Souvenez-vous, beaucoup de ces choses, les choses des chrétiens, si, ce que je suis en train de dénoncer, les mondes, tu ne peux pas nous comprendre parce qu'ils sont en plein là-dedans. Vous savez, nous parlons parce que nous sommes en train de goûter à la sanctification, à la sainteté de Dieu. Il faut qu'on le connaisse au fur et à mesure. Ces choses-ci viennent très souvent sans que tu te rendes compte. Tu te rends compte, je prends un exemple simple pour que vous saisissiez ce que je suis en train de dire. Tu peux être comme ça, cette soeur, si marche, être si le pied au sol. Et toi, tu n'aimes pas quand on tire le pied au sol. Chaque fois qu'elle passe, tu vois, certains chaque fois quand elle va, tu entends, elle est encore venue. Voilà comment ça commence. Elle est encore venue. Prochaine fois, elle fait, même si tu as le préfet que je. Il y a des gens que quand tu as le préfet que je parlais avec quelqu'un, même si ça ne concerne pas la personne, entre dedans, tchungulou. Moi-même, je connais ça, tu ne dis pas rien. Après, tu dis que voilà encore la tête, casse-tête. Ça commence comme ça. Après, tu le vois chaque fois, ça commence à développer. Tu ne te rends pas compte que tu as de développer quelque chose contre la personne. Un essai jour comme ça, tu dis que non, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi, c'est-à-dire que ça s'est accumulé beaucoup. Or, la Bible déclare ici que, qu'on fait quoi? Qu'on ait le mal en horreur. Ça veut dire quoi, frère? Si tu vois, comme nous avons dit juste là, dans la confession, cela, que si tu as quelque chose contre moi, viens et dis-moi. Parce que certaines personnes commettent des fautes, souvent ça t'en rend compte. Elle marche, elle tire le pied au sol, ne sachant pas qu'elle tire comme ça, ça dérange quelqu'un, parce que c'est sa façon de marcher. Alors, si tu dis, ma soeur, viens, je vais te dire quelque chose, dit. S'il te plaît, quand tu tires le pied au sol, ça le dérange. Frère, ça résout le problème. Ça résout le problème. La personne en marchant la prochaine fois, fais attention. Donc ce que je suis en train de faire là, ça dérange quelqu'un d'autre. Je ne dois pas faire quelque chose qui va déranger. Et si la personne connaît aussi que fais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on t'efface. Si tu fais des reproches à quelqu'un, la personne ne t'en paie pas. Ne t'attends pas aussi que quand tu vas lui faire des reproches, qu'il fasse la même chose. C'est-à-dire que s'il n'aime pas les reproches, il ne faut pas qu'il soit à même aussi de donner des reproches aux gens. Il faut que je sois corrigeable et qu'il puisse corriger. C'est ici, n'est-ce pas? Il dit que ayez le mal en horreur dans ce livre de Romains, chapitre 12, verset 9 et 10 à 10. Là, il dit premièrement d'abord que l'amour soit sans hypocrisie. C'est aux chrétiens qu'on a dû le dire, c'est un ordre. Je ne dois pas te dire que je t'aime alors que c'est autre chose. Je ne peux pas te dire que je t'aime et puis je te fais pas derrière. Ça, c'est de l'hypocrisie. Je t'aime tellement. Amen. Puis il dit que on est là, quoi, le mal en horreur et qu'on s'attache comment? Fortement au bien. Fortement au bien. Chaque fois, quand une pensée vient, comme le Seigneur a dit, quand une pensée vient n'importe comment, par rapport à un frère, par rapport à une soeur, pose-toi toujours la question, est-ce que ça me pousse à m'attacher fortement au bien? La réponse à cela va te faire dégager si c'est une pensée négative, si c'est une pensée de Satan, il faut balancer rapidement la parole là-bas. Cette pensée, ce ne vient pas de Dieu, c'est une pensée satanique. Je rejette cela et cela va te dégager. C'est ça, n'est-ce pas? Ne restez pas pour mûrir la pensée. Tu mûris comme ça, Satan envoie une autre personne. Tu sais tel que tel, c'est tellement fait. Non, tu me dis, ça fait deux, trois. Ça ne fait que monter. Vous multipliez comme ça par 4. Frère, même si la personne n'est pas bon, quand tu vas le voir, ce n'est plus la même pensée que tu auras avec la personne. Et là, l'amour a déjà eu un coup par rapport à cela. Donc, arrêtons donc un cœur double. Regarde quelqu'un droit dans les yeux. Arrêtons le cœur double. Tu ne dois pas avoir deux cœurs. C'est un seul cœur. Où réside l'Esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de l'amour, pas l'esprit de l'hypocrisie. Donc, soit tu m'aimes ou tu m'aimes, sinon tu m'aimes. Soit tu m'aimes ou tu m'aimes, sinon tu m'aimes. Voilà. Il n'y a pas deux façons. Si tu n'aimes pas, tu sors du corps de Christ, d'accord? Tu sors de là-bas. C'est-à-dire, soit tu aimes ou bien tu aimes, sinon tu aimes. Mm-hmm. Non, pas sinon tu n'aimes pas, c'est sinon tu aimes. Voilà. Proverbe chapitre 15 là. Soit tu aimes ou tu aimes, sinon tu aimes. C'est comme ça, d'accord? Proverbe chapitre 15, verset 11 à 13. Frère, si tu peux nous lire. Oui, le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus des cœurs des fils de l'homme. Vous entendez ça, hein? Il dit que si le Seigneur de moi et les grands abîmes là sont devant le Seigneur comme ça. Vous pensez que votre cœur est caché devant lui. Si le Seigneur de moi, vous ne savez même pas où ça se trouve véritablement, c'est être devant lui, devant Dieu comme ça là. combien plus le cœur des fils. L'homme peut dire qu'il n'y a rien, ma chère soeur, à faire. Il n'y a rien, mon cher frère, à faire. Tu dois examiner ton cœur pour mettre ça au nu devant le Seigneur. Quand ça ne va pas, remarquez comment le roi David, comment il détaille sa vie dans le psaume. Quand ça ne va pas, il dit à Dieu, ça ne va pas. Mais les chrétiens, je dois leur enseigner que même ça ne va pas, confesse que ça va pour que ça puisse aller. C'est pas comme ça, ne faites pas de tes choses. Quand ça ne va pas, va devant le Seigneur. Seigneur, mon cœur ne parvient pas à aimer. Ta parole ne parvient pas à entrer dans mon cœur. Seigneur, quand j'écoute ta parole, ça me fait du bien, mais il ne parvient pas à croire. Viens au secours de mon incrédulité. Mon incrédulité. Dieu va faire le reste. Tu aimes cela. Au lieu de rester voir les gens, dit que non, je suis un grand croyant. Hein. Comme les gens disent que ma mère, tu es une grande chrétienne. Tu es une grande chrétienne comment? Elle s'était très tôt à 5 ans à l'église, vous voyez. Sa mère était la principale sorcière qui dirigeait l'église, encore même pas. C'est pas croyable ça. Psaume 97. On finit de lire les passages là, rapidement. On passe aux lectures là. Psaume 97 là. Le verset 11 seulement. Psaume 97, le verset 11. Oui. La lumière est semée pour la justice. C'est ça qu'il a fait, Haché. La lumière est semée pour le juste. Oui. Alors, oui. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Ça veut dire indirectement. Ou mieux, de façon directe, ça suppose que si quelqu'un le cœur n'est pas droit, il ne sera pas dans la joie. Il ne sera pas dans la joie. C'est pour ça que vous voyez, les gens ont principalement les rides. Tu salues quelqu'un que ma soeur, ça va, tu entends d'abord la longueur de son tube, montre la longueur de ses frustrations sur le cœur. Verset 10, il y a encore dit quoi? Verset 10. Vous qui aimez l'éternel, oui. Vous qui aimez l'éternel, oui. Haïssez le mal. Vous entendez l'ordre, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, haïs le mal. Le mal. Vous entendez, n'est-ce pas? Il dit, vous qui aimez le Seigneur. Il ne s'adresse pas à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas aimer le Seigneur. Il a haïssé le mal. Vous avez un devoir. Vous devez haïr le mal. Donc je ne dois pas vouloir te faire quelque chose qui te fait du mal parce que tu es mon corps. Nous sommes membres les uns les autres. Vous ne pouvez pas prendre le lame de raison pour couper votre orteil vous-même. Déjà, quand le petit orteil vous mangez quelque part, vous cognez ça sur un bout de caillou. Quand c'est l'orteil là, est épluché là-bas, vous savez comment tout le corps est mal à l'aise. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça quand vous entrez là. C'est exactement comme ça quand un chrétien souffre. Parce que nous savons que tout le corps est. Bien que vous ne soyez pas conscient, alors c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ descend dans le ciel lorsque quelqu'un fait ça sur la terre. Quand tu fais du mal à un chrétien, calomnie à un chrétien, c'est un peu comme la main pourrait dire à l'œil que on a des problèmes. Et je vous dis chaque fois, comme je dis dans les enseignements, que la main, si l'œil a des problèmes, il dit que je ne collabore plus avec toi, comme les chrétiens font là. Vous savez, là, il y a un insecte qui entre dans l'œil, quand ça entre, ça pisse directement là. Ça veut dire entrer dans l'œil. Que ça entre dans l'œil, que l'homme, l'œil et la main sont en ennemi. La réconciliation a lieu là, là, là, là. Donc, à l'essence, ça entre, vous ne demandez pas quel était le problème. Vous avez directement ici, c'est comme ça que aide-moi à enlever. Parce que la main ne sera pas tranquille, l'œil ne sera pas tranquille, le corps ne sera pas tranquille. Donc, le chrétien doit vivre en parfaite harmonie. Il dit supportez-vous les uns les autres. On doit se supporter. Il arrive que quand tu veux te laver avec ta propre main te blesse. Vous savez ça, frère? Oui. Vous-même, vous pouvez faire le ménage à la cuisine, vous coupez. La main, ça n'a pas fait, c'est le reste seulement qu'il a fait pour couper ici. Pas qu'il a pris avec intention pour couper. Donc, il peut arriver que dans nos relations, de façon ou d'une autre, je te blesse. Mais, remarquez que quand la personne se blesse, ce n'est plus la personne qui met le. Quand, c'est avec ça que tu vas aller prendre encore l'alcool. Tu mets là-bas pour montrer que, ouais, je t'ai fait du mal. C'est la réconciliation, ça, frère. Je t'ai fait du mal. Après, tu prends quelque chose, ça, tu mets. Je t'ai fait du mal pour montrer que ce n'était pas intentionnel. On peut blesser l'un et l'autre par suite de son comportement. Et souvenez-vous, chacun de nous est sorti d'un background, dans une famille, avec une éducation différente. Et lorsqu'on se met ensemble, il faut faire la part des choses, il faut que chacun perde certaines choses, certains égaux, pour regarder ce qui est de l'utilité commune pour avancer. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Amen. L'autre passage, c'est quoi? Éphésiens chapitre 4 maintenant, le Nouveau Testament. Souvenez-vous de ce, gardez-vous à l'esprit que je ne dois pas avoir un cœur double. Je dois être vrai avec le Seigneur, je dois être vrai avec moi-même. Éphésiens chapitre 12. Chapitre 4, pardon. Chapitre 4 d'Éphésiens. Il y a le verset 17 jusqu'au verset 32, je crois. Verset 12, verset 17 jusqu'au verset 32. Vous n'y êtes pas encore privé. Frère, lis un peu, lis. Okay. Éphésiens 4, oui. 17 à 32, jusqu'au dernier. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous en avez, n'est-ce pas, hein? Voilà pourquoi le païen marche dans l'obscurité. Parce que le cœur est endurci. Et un chrétien ne doit pas avoir le cœur endurci au point de manquer le pardon. Si le Saint-Esprit titille votre esprit, comme j'ai dit, et que vous faites quelque chose à quelqu'un, vous ne pouvez pas demander pardon, vous savez que vous avez un problème. Il va parler doucement, il va parler par les gens. Vous allez arriver quelque part, vous asseoir, passer même dans la voiture, quelqu'un va parler de votre problème sans vous en rendre compte. Mais vous savez que ceci me concerne. C'est toujours Dieu qui passe par ces moyens pour t'avertir. Pour t'avertir, à un moment donné, si tu t'endurcis, tu n'entends plus sa voix. Tu écoutes sa voix, tu n'entends plus. Tu ne comprends plus, il te laisse dans ton endurcissement. Tu continues à faire dans ce qu'on appelle dans la religion, le train-train quotidien. Plus tard, ça va te créer le préjudice. C'est pour ça qu'il faut avoir l'amabilité de pardonner instantanément quand il y a n'importe quoi. Comme le frère, je disais, quand David entendait qu'il y a quelque chose qu'il a fait, première chose, il faut qu'il demande pardon. C'est ça qui faisait sa force. Donc, quand tu entends que tu as fait faute quelque part, et de temps en temps, entre vous-même, demandez-vous les uns les autres, attirez-vous les uns les autres, ma soeur, ai-je fait quelque chose d'hier qui t'a blessé? Ou bien, est-ce qu'il y a certaines choses que si tu fais, ça te blesse? Parle sincèrement. Puis, quand il aura fini, dis, bah, je te demande pardon. Puis, tu dis à l'autre aussi, de façon réciproque aussi, dis-moi, y a-t-il des choses que tu ne souhaiterais pas qu'il fasse? Vous pardonnez aussi. Après, vous vous embrassez, frère, vous quittez là-bas. Ça va donner honte à Satan. Ça va donner honte à Satan. Au fur et à mesure, vous allez vous connaître. Tu vas connaître que quand il est à côté de ma soeur, telle ma soeur, il ne faut pas qu'il fasse des bruits. Il ne faut pas qu'il fasse telle ou telle chose. D'accord, mes frères? Continuons. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Ouais, là, ça conduit, n'est-ce pas? Ayant perdu tout sentiment. Pourquoi le cœur a endurci? On perd tout sentiment. Donc, tu peux commencer à te livrer à n'importe quelle impurité sans te rendre compte que tu as le droit de faire. Oui, joindre à la cupidité. Pour commettre toute espèce d'impurité, joindre à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oui, nous avons le comportement mondain, ce n'est pas notre comportement. Vous avez, n'est-ce pas? Vous dites, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et après, il va dire, si du moins vous avez appris, ou bien vous avez été assis dans la vérité qui est en lui. Il faut qu'on fasse attention. Le comportement, c'est pour ça que vous avez dit, c'est là qu'on a dit que. Il dit que voici, je vous déclare dans le Seigneur que quand nous sommes en Christ, on ne doit plus marcher comme les païens. Donc vérifions chaque fois que notre comportement n'est pas le comportement païen. Souvenez-vous, on ne doit pas avoir le cœur double. Le cœur double est un frein pour l'amour, la manifestation du deuxième commandement. Allons-y. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Oui. Eu égard à oui. Votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Stoppons donc là-bas. Donc, il dit que l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ est qui a été donné. En fait, si on vous a donné le bon enseignement, vous voyez pourquoi? Je crois que quand nous sommes en train de frère Achille parlait du fait que les gens peuvent être dans l'égarement par suite du fait qu'ils ont reçu de faux enseignements. Effectivement, c'est ce que la propre Bible peut pas dire. Donc, normalement, si vous êtes chrétien, on doit vous enseigner dans le Seigneur Jésus-Christ qu'il y a un dépouillement à faire. Il y a des choses que vous devez enlever dans vos vies. Mais aujourd'hui, on a entendu que si tu es en Christ, quand tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, c'est que la vie de Christ est en toi. Commence à confesser maintenant que tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, c'est pas ça. Il y a un processus de nettoyage, de ce qu'on appelle dans le renouvellement de l'intelligence. On doit prêcher que telle chose que le comportement, ça ne doit plus être en toi. Ça doit quitter. Il y a les comportements sains, on doit marcher sain, on doit plus faire n'importe quoi, n'importe comment. Ouais. Donc, ce genre d'enseignement doit être donné pour pouvoir dépouiller les gens. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. Il y a un pasteur qui était venu me voir, c'est l'oncle de mon épouse, elle est assis là-bas, proche dans une grande dénomination là-bas, on a même ne voulu pas suivre parce qu'il a de l'argent. Il est venu me voir parce qu'il avait un problème. J'ai fini de prier pour lui. J'ai parlé. Il a entendu l'enseignement. Il dit que j'ignore. Je lui ai dit que tu peux me faire prêcher là-bas. Il dit ok. On va te chasser là-bas comme ça, tu vas partir. Mais pourtant, il s'est dit chrétien. Il dit ok. Tout ce qui était dit, c'est faux. Il a dit non. C'est la pure. Il ouvre la bouche. Il me dit c'est la pure vérité. Non, mais frère, il y a des choses qui me brisent le cœur. Il dit c'est la pure vérité. Il dit mais ok. Si c'est la pure vérité, pourquoi vont-ils donc me chasser? Il me dit clairement parce qu'on va gâter leur commerce. Vous savez ce que ça peut faire? Si les gens pouvaient seulement comprendre ces choses-ci et comprendre qu'ils sont les marionnettes servant de produits de l'argent aux gens. Des marionnettes. On a trouvé le terrain maintenant. Et les gens donnent en étant dans la joie, croyant qu'ils donnent à Dieu. Non. Je ne veux pas savoir ce qu'ils font avec. Si ils donnent là-bas, c'est Dieu qui les juge. Dieu va te juger aussi parce que tu donnes ta semence sur les mauvaises terres. Continuons, frère. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, oui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, oui. et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous entendez ça, hein? L'homme nouveau qui est comment? Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Comment quelqu'un donc qui est créé selon Dieu, l'image de Dieu, va commencer à vivre dans la dissolution, l'hypocrisie, le mensonge? dit quelque chose dans la bouche, allez dire quelque chose là-bas. Il y a des gens qui sont spécialisés pour diviser les frères. Il dit quelque chose comme ça, quoi, que tel a dit comme ça, il ne pourrait pas dire là-bas. Il ajoute A là-bas, il ajoute A plus là-bas, B moins là-bas. Quand on s'assoit là-bas comme ça, dans la discussion, on ne sait plus qui finalement qui a dit quoi. Il était le distributeur de la calomnie. Il ne faut pas que ça soit ainsi, d'accord? Avant son frère. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous avez vu? Directement après avoir dit ça, il commence à dire que c'est des choses qu'on doit éliminer. Renoncer au mensonge parce que si je t'aime, il ne te mentirait pas. Et voilà, je crois que c'est ce qu'il a dit cela. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Vous avez vu ça, frère? Regarde encore quelqu'un à côté de toi. Dis, je suis ton plus proche prochain. Je suis ton plus proche prochain. Parce que je suis ton frère. Dis-moi la vérité. Même si ça me blesse. Dis-moi quand même la vérité. Amen. Donc, ne nous rejoignons pas au rang mondain où on dit que non, toute vérité n'est pas bon à dire. Donc, on va commencer à vouloir mentir comme Machiavel a enseigné dans son livre qu'on puisse mentir dans les entreprises pour maîtriser ses partisans. On ne doit pas faire cela. Il y a point de mensonge qui vient de la vérité. Et inversement, la vérité ne vient pas du menteur. D'accord, frère? Ouais. Avançons. Quand nous sommes membres les uns des autres. Vous entendez ça? C'est exactement ce que vous avez confessé là. Comme je suis ton membre, je ne dois pas me mentir. Donc, si tu me mens, tu as été menti toi-même. Ouais. C'est un peu comme si tu peux enlever l'habit sur toi. Tu dis qu'il fait froid, tu dis que non. J'ai porté l'habit. Tu veux te convaincre que j'ai porté. Pourtant, tu as froid. Tu crois que tu fais du mal à qui? C'est à toi-même. Donc, il dit et que chacun de vous parle, dit la vérité les uns les autres. Car, parce que nous sommes membres les uns les autres. Donc, si tu mens, c'est à toi-même que tu mens. Est-ce que nous avons compris la dimension de l'union chrétienne en esprit? Nous avons compris cela. Si nous avons saisi véritablement que les chrétiens sont un, malgré la diversité comme ça, là, nous sommes un. Ça suppose donc que si vous mettez l'eau dans un gobelet, là, si l'eau est là-bas, vous mettez votre bâton, ça touche l'eau en bas. L'eau allait toucher le bâton en bas, c'est la même eau qu'elle touche en haut. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut te faire du mal, la même personne a fait du mal au frère Hachim, même si tu n'es pas conscient. C'est pour cela que dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à suivant, il a dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Donc vos frères sont dans le monde entier. Vous comprenez cela? Il dit qu'après que vous avez souffert pour un peu de temps, Dieu vous rendra inébranlable. Et mais il dit que quoi? Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Le Saint-Esprit indique que vous n'êtes pas seul. Ton frère se trouve à l'extérieur, à l'étranger, et que tu ne connais même pas. Et remarquez comment Dieu fait les choses telles qu'il a dit dans la Bible. Une grande famille. Vous saluez quelqu'un comme ça, vous dites, voici un frère en Christ. À partir du fait qu'on a dit frère en Christ, vous commencez à collaborer. Ça engendre d'autres frères. Ça engendre d'autres rencontres. Vous êtes ensemble, vous dites, tu n'as pas le désir de savoir où il sort de quelle famille, qui est son père ou qui est sa mère, il dort où. Ça ne se passe même pas dans les pensées, frère. D'accord? Il faut que le monde regarde notre vie et voit effectivement la lumière de Christ sans que nous en parlons. Depuis que nous sommes dans cette salle, vous avez entendu la lumière qui est là-bas, que je suis la lumière. Vous avez entendu ça? Quand vous allumez, vous constatez quoi? Ça, vous avez entendu, ça fait du bruit. Mais les chrétiens sont champions. Ils disent, je suis la lumière du monde. Quand tu viens, il faut, pasteur va prier là-bas. Il dit qu'il a la lumière du monde. La lumière ne fait pas de bruit, ça, c'est clair. Frère, éteins la lumière avant. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le soutien fait du bruit? Allume, frère. Vous avez vu la lumière fait du bruit? Quand l'un et l'autre disparaît, et personne ne fait du bruit. C'est ainsi que l'obscurité entre dans nos vies, et quand la lumière entre, ça entre de la même façon. Ça ne fait pas de bruit. Et nous devons voir la lumière. Nous sommes en train de voir la lumière. Nous pouvons lire la Bible maintenant parce que la lumière est là. Donc on doit regarder nos œuvres comme ça. Et dire, il y a quelque chose dans la vie de cette personne-ci. En vous voyant seulement, on doit savoir que vous êtes chrétien. En vous voyant. Amen. Amen. Continuons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Oui. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc 18 ne doit pas t'arriver que tu as péché, que tu as la colère contre quelqu'un. N'est-ce pas, frère? Frère Séverin, regarde ton épouse. Dis que 18 ne doit pas arriver sur ta colère. 18 ne doit pas arriver sur ta colère. Calme comme ça là. Bon, avançons ici, frère. Il ne donnait pas accès au diable. Donc ça donne accès au diable. Pourquoi? Parce qu'à 18h, le soleil se couche, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Donc, alors là, tu dors la nuit comme ça. Tu bouges tes pieds comme ça. Tu tournes comme ça. Tu commences à penser que tes mes vieux, tu devais faire quelque chose dû au gars, c'est comme ça, pour qu'il ne doit jamais regretter. Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Il faut qu'il fasse, il veut toucher qui? Il faut qu'il fasse quelque chose que quand il va me voir, il ne doit jamais m'oublier. Comment un chrétien peut méditer de tes choses, frère? Comment? Dis à ton voisin que 18 ne te couche pas sur ta colère. C'est que Satan va dormir dans ton lit. C'est ce qu'on en a dit là. Avançons, frère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oui. Mais plutôt qu'il travaille. Oui. En faisant de ses mains ce qui est bien. Oui. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Stop. Vous avez entendu ça? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune. Non, c'est parce qu'il m'a dit comme ça, je voulais dire que ça le blesse aussi. On a dit que si on t'insulte, la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2 là, que le Seigneur, lorsqu'on le giflait, il ne répétait pas un jeu, mais ça remettait à celui qui juge justement. Continuez, frère. Qui ne sort de votre bouche qu'une parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, oui, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous avez entendu, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'on dit, c'est autrement, on dit, bénissez toujours, ne maudissez pas. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui communiquent seulement une grâce, qui servent à l'édification. Donc, ok, telle personne fait telle chose. Vous dites, il faut qu'il dise quelque chose. J'ai l'intention de dire quelque chose qui va aussi le blesser pour qu'il sente que ça m'a blessé. La question c'est, est-ce que ça va édifier? Hein? Si ça n'édifie pas, j'arrête cela. Alors, quelqu'un dit, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. En retour, je dis que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur te bénisse. S'il garde ses paroles qu'il a prononcées, il va le rendre compte. Parce que pendant que quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Dis la Bible. En faisant comme ça, c'est le charbon et le feu que tu as dans. J'ai dit aux gens que si un sorcier est à côté de toi, la meilleure façon de faire fuir le sorcier, c'est de manger avec lui sur la même table. Il m'a dit, tu m'amènes où là? Oui, tu manges avec lui, observe. C'est ce que Dieu dit. Mange avec lui sur la même table. La loi spirituelle connaît ça. Il sait, si tu manges, il mange ta nourriture dans la journée, il ne peut pas venir dans la nuit te manger. Il sait. Il vient la nuit te manger, il te mange, il va voir. Avance-toi ici, frère. Mais ta Bible est déchirée comme ça. Tu es sûr que le chapitre verset 32 va suffire, va arriver. Ça va arriver, c'est l'enfant qui est. Donc, si il tente de descendre au chapitre 5, tu n'as plus rien. Un peu courage, courage, d'accord. Merci. Continue. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Oui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous avez entendu ça? Vous avez vu? Le Saint-Esprit a été formé là-dessus. Il faut que ça disparaisse. Ça ne doit pas se retrouver. Retrouver. Donc, gardez dans cette église qui se réunit dans cette maison-ci, gardez ces versets dans l'esprit de telle enseigne que même si elle n'aime pas quoi, que l'un de vous au moins s'élève pour dire cette chose, c'est ce nommé parmi les six choses, il faut que ça disparaisse. Il faut que ça disparaisse. Il faut que vous soyez un peu comme les chrétiens de la Thessalonique qui, dont leur foi a été renommée partout et on en parlait. D'accord? Puis en est-il ainsi? Continuons, frère, fini là. Soyez bons les uns envers les autres. Vous avez suivi ça? Soyez bons les uns envers les autres. Vous ne pouvez pas en même temps être bon avec quelqu'un et être mauvais. Vous ne pouvez pas. Soit vous êtes bon avec lui, soit vous êtes mauvais. Donc un cœur double n'a pas sa place en milieu chrétien. Et donc, j'ai donc dit, c'est l'une des principales choses ici qui fait dans un cœur que le véritable amour ne puisse pas s'exprimer. Parce qu'on va faire n'importe quoi. S'il y a le véritable amour, on ne fait pas quelque chose par motif d'intérêt. On ne le fait pas par motif d'intérêt. Mais quand il y a un cœur double, on dit qu'on t'aime dans l'optique qu'on veut flatter pour avoir quelque chose. C'est ce que c'est pas dans les dénominations. Remarquez ceux qu'on aide. On peut donner des aides ou de la copter plutôt ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ont des postes de responsabilité pour les donner des postes de responsabilité. Mais si on sait que tu ne travailles pas ou bien ton père, tu es orphelin, on sait que voici les pieds d'argent, ceux qui nous dérangent ici. Ils vont venir ici se poser le problème qu'ils ont besoin de l'argent pour pouvoir payer telle chose. Mon enfant n'a pas fréquenté. Alors quand tu vois, tu donnes le rendez-vous, le pasteur te rend à nouveau, tu viens, il envoie les gens pour dire que telle autre personne te reçoit. Mais quand c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui garde la voiture, le pasteur le reçoit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour clair. Si cette personne-ci était une veuve qui a les immeubles, le pasteur va dire non, il faut que je te conseille pour que tu gardes bien tes biens. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas, frère? Ne parlons pas, d'accord? Ça se comprend. Vous finissons là. Soyez bons les uns avec les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous avez entendu? Normalement, on devait arrêter la prédication là-bas. On arrête effectivement la prédication là-bas. Fermons la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, Dieu voulant, on va prendre les points de prière concernant ce thème-ci. Donc, là, on va rester tranquille. Chacun va rentrer tranquille. Donc, n'essayez même pas de dire qu'on prie là. Chacun reste tranquille pour que ceci puisse tranquilliser son cœur et traiter dans son cœur. Demain, Dieu voulant, on va prier avec ces points de prière pour ce sujet que nous avons vu ce soir-ci. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Amour de Dieu, un amour insondable. Dieu nous a aimés en faisant un sacrifice, lui de donner son fils unique. Mais notre sacrifice, c'est que nous devons donner la volonté. Soyons donc unis en Christ. Jésus aurait pu nous sauver étant assis auprès du Père. Il est le Dieu tout-puissant, cela n'était pas impossible. Mais il a décidé de nous approcher dans la saleté. C'est la grande preuve d'amour. Alors, quel amour, amour de Kéwadouza. Pas demandé de mourir pour notre frère, mais de l'aimer comme nous-mêmes, c'est ça notre sacrifice. Nous trouvons cela très difficile. Aïe aïe aïe. Pourtant nous nous disons chrétiens. C'est à notre honte que je le dis, mes amis. Ce n'est pas la peine de continuer à nous tromper. Il n'y a pas Jésus là où il n'y a pas d'amour. Nous devons donc nous aimer. Et c'est quoi? Alors, amour de ma sirène. De ma cité, on a c'est quoi? Quel amour? Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Jésus, c'est l'amour, il est lui-même l'amour. Et nous devons témoigner cet amour. Ah ouais, c'est ça. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Ah. Où est donc cet amour? Que Dieu est amour et nous devons témoigner cet amour comme des exemples. Les hommes de ce monde et Satan sont plus intelligents. Ils exploitent les atouts de l'amour. Pour mieux nous confondre, nous qui nous disons chrétiens, c'est là notre honte. Aïe aïe aïe. Soula n'aime pas boire sans inviter son frère. Le rosicrucien s'entraide entre eux, mais les chrétiens cherchent toujours à se diviser. Voilà qui est bizarre, mes amis. Oh. Vous avez multiplié les noms comme si cela donnait la vie. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes. Et dans chaque groupe, on trouve encore des divisions. Mais tous vous prêchez l'amour, alors c'est quoi? Quel amour? Massive you or not, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Don't die.